c'est Virginie Schaeffer. Vous me connaissez de Europa Park et l'odeur des vestiaires. Les cacahuètes au Tom Yam vous présentent cet épisode de Radio Stube. Moi, Virginie Schaeffer, et les cacahuètes au Tom Yam vous souhaitent une saison relevée et épicée, mais pas trop piquante. Les cacahuètes au Tom Yam, c'est bon. Mangez-en. Plein. Au revoir et bon épisode de Radio Stube. But now we come to a period that I call the battle for identity. I want to go to Chelsea. Oh no, it does not move me. Merde. Oui, bonjour, bonsoir les mecs. C'est pas vrai. Et tous les trucs là où on applaudit là. On a vraiment changé de dimension dans Radio Stube. Bonjour, bonsoir Radio Stube, saison 18, épisode 2. Le retour tout de suite sans transition. Là, je fais que des trucs dénus. Sans transition, la présentation des équipiers. Allez, Luc. Merci Luc d'être venu, tu es en probatoire aussi. Tout à fait. Monsieur Foot de Foot. Elles sont grosses. Quoi ? Mes jambes de voiture. Elles sont belles, elles sont grosses. Quoi ? Mes jambes de voiture. Bravo. On salue tous les frères en galère à MAE qui sont aussi en probatoire, mais plus longtemps. Et les frérots de l'enfant. Voilà, le frérico, le Jean-Luc Filzer de Radio Stube. Push the limits of stubbornness to finish up above the stubbornness of silly limits. Yeah, run the ring around your finger and build the ring around to bring it. Bonsoir. Calcio. Merci. Notre nouveau du jour, Lucas. Lucas 14. Merci d'avoir candidaté, merci d'avoir passé tous les examens. On va faire un petit focus juste sur toi, que tu nous expliques en 3 secondes. On va le faire tout de suite. 3 secondes, un petit peu, pourquoi tu es. Enfin, présente-toi. Allez, qui tu es, d'où tu viens ? Ouais, déjà Lucas 14, bah Lucas mon prénom, 14 mon poste. Généralement, quand je jouais au foot, en Coupe de France, j'ai 34 ans, j'ai joué 7 ans au Racing. À l'époque de Fabrice. Boum, là, ça ferme sa gueule. Là, alors là, saison 18. Vas-y, ouais, pardon. On coupe pas, il y a que moi. Il y a du budget. J'ai entraîné aussi une saison avec Steven Keller, avant son décès. J'ai le brevet de moniteur de football. Je fais pas mal de déplacements et j'ai déjà écrit des articles pour Racing Stube. Et j'ai le Racing dans la peau, quoi. Dans la peau. Ah, et donc, alors là, bien sûr, c'est de la radio, on ne voit pas, mais. C'est un tatouage. Bah, bravo, merci. Bravo, bienvenue. J'en profite pour rappeler que tout le monde peut réaliser son rêve de chroniqueur. Ah non, il faut réussir comme ça. Oui, réussir le test. Un minimum. Articuler, savoir dire deux phrases sans lancer une insulte. Voilà. Eh ben, on parle non, ben non. Ah. Alex Co. Vous ne l'avez pas, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas, monsieur, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas, le monopole du cœur. Même les tyrans ont besoin de chaleur. Même Paul Pot était gentil avec ses potes. Même Staline savait se montrer câline. Même Omar Bongo aurait voté à Hidalgo. Même Peter, les méchants de ce refrain. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas, monsieur, vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas le monopole du cœur. C'est trop facile de s'en prendre au dictateur. Oui, bah, bonjour Gigas. Alors moi, bah, j'ai construit la méno de mes mains, j'ai joué 32 ans au racing, et je l'ai entraîné. Non, moi j'ai rien fait, j'ai juste vu de la lumière. Je suis rentré. Mais par contre, Racing Stoop ne fonctionne pas, et c'est un disclaimer, va influer sur la qualité de mes interventions dans cette émission, je préfère prévenir. Voilà. Ok, c'est très grave. Pour résoudre tout ça, JP Larky. In Manchester, one morning, those good heroes did agree. Their leaders, Kelly and Deasy, should have their liberty. They drank a health to Ireland and soon made up a plan to meet the prisoners on the road and take and smash the van. Hurrah, my lads, for freedom, let's all join heart and hand. May the Lord have mercy on the boys that helped to smash the van. Blourg, tout simplement, je voudrais saluer ici, bon ben, la famille, hein, d'abord évidemment, la team, et évidemment bien sûr la commu. Alors, moi personnellement, Radio Shtoub, j'ai couché pour pouvoir rentrer évidemment. Avec Roulian Avec Roulian, mais pas que. Mais il le sait pas. Et donc voilà, je suis très heureux d'être encore là ce soir. Merci de l'invitation. De rien, tu sais comment ça marche. Oui. Et je t'en prie. Et notre grand timonier, c'est comme ça que tu dis? Ouais. Notre MC, notre lumière au bout du tunnel. Notre guide. J'écoute et j'apprends. Gigas. Et je suis un boss. Jo në internet, një biza i qiva të rëdhipa, vesh për dy net. Living extra lifestyle, e dini vet. Ajo po don koko, usa le zet. Du me i kër më roko, jo në Itali. Komin zok e dhipa, dhe të kimi kanë më. E di që s'ki qa fol. Bravo! Merci beaucoup. Alors, tout de suite, sans transition. Encore une fois. Messer 16, premier match du championnat. Le hasard fait bien les choses, comme à croire que la LFP programme les derbies et les matchs importants avant de mettre les autres matchs du calendrier. Le Racing se déplace à Saint-Symphorien, un match jamais facile, sauf depuis 3-4 ans, où franchement c'est vrai que les Messins sont plutôt nuls. J'ai vu le match depuis Dublin, tout en regardant un espèce de duplex avec le match du Racing sur un téléphone, le match de Chelsea sur une grande télé. Normal. Plus facile de regarder la grande télé. Normal. Et c'était moins chiant aussi. Et donc voilà, si vous avez, donc victoire 1-0, hein, spoiler, 0-1, spoiler. Mais il y a plein d'enseignements sur ce match et je compte sur vous. Tout à fait. Est-ce que je peux avoir le l'ouvre-bouteille d'abord? Premier enseignement. Merci. Des joueurs potentiellement qui pourraient arriver à Chelsea l'an prochain? Qui ont tellement ébloui Saint-Symphorien qu'ils pourraient... À Metz, tu veux? Ouais, à Metz, ouais. Je connais plus aucun joueur de Metz depuis que Kidjé est parti. Mais il était là, mais avec des... Un hommage lui a été rendu à la mi-temps. Hein. Ah, bah ouais, ça, c'est des infos. Ouais, je voudrais quand même signaler une erreur de notre guide. Parce que notre guide a dit, oui, Saint-Symphorien, déplacement jamais facile, à part ces 3-4 dernières années. Mais comme on n'existe que depuis deux saisons... ça veut dire que ça nous réussit depuis tout est dit, hein, tout est dit. Non, exactement. Non, vous n'êtes pas très enthousiaste. C'était un match. Faut lancer un peu la machine. De ouais. 90 minutes 90. Non, mais moi, la première mi-temps, j'ai trouvé ça. C'est quoi le mot qu'on utilise tout le temps? Poussif, en fait. Et je crois que dans mon souvenir, Metz a plus de grosses occasions à la mi-temps. Et après, en deuxième mi-temps, on se rend compte que Metz est resté une équipe de Ligue 2, je pense. Ils sont par là. Et Strasbourg un peu en rodage, enfin on est pas encore totalement en réussite. En réussite, c'est pas le mot que je cherchais. En jambes. Ouais. Et quand même au-dessus d'un Metz où, alors de mémoire, c'est un but de la tête où il est tout seul entre quatre joueurs dans la surface. Tout à fait. voilà. Qui l'ont complètement oublié. Est-ce que c'est ce match, alors parce que moi, voilà, tu parles de Panichelli, hein, tout le monde était au courant. Je me souviens déjà pas de ce que j'ai fait hier, mais c'est ce match, le fameux raté des Mégas, non c'est non. Le, non, c'est Nantes, c'est Nantes. Contre Nantes. Voilà. Bah, du coup, j'ai épuisé tout ce que j'avais à dire sur le match contre Metz. Voilà. Je vous rappelle que j'ai pas Racing Stube, hein. Je fais ça sans note. Je sens que vous êtes tous un petit peu timides parce que voilà, Lucas, il a plein la gueule avec son CV. On va le laisser parler d'abord. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est quand même la 6e victoire de rang contre Metz, faut quand même le dire. La dernière fois que Metz nous a battu, c'était avant Covid, donc c'était début 2020. C'était aussi, il me semble, le record au niveau de la moyenne d'âge. La première équipe alignée que des 2000 ou plus. Tout à fait. Oui, parmi 5 ans championnat. Vous en avez pas mal parlé dans la presse. Dans l'ensemble du match, Metz a cadré 0 fois. Et au niveau de la possession, on était à 62% et 37% pour Metz. Donc on a quand même largement dominé. Et rentrée décisive de Bakua. Très décisif, il rentre. Passeur décisif pour Panichelli. On l'a recruté pour son jeu de tête aussi. Et c'est ce qu'il fait de son premier match officiel. Bah, alors là, moi, j'ai les stats, là. Tout juste. L'expected tout juste. Goal. J'ai travaillé un peu. Ouais, expected goal. Goal. Ça, tu l'as pas. Ça, tu l'as pas. C'est un stat important. Alors, ça va être un peu une Clash des Titans. Martingale, c'est un genre de truc quand tu joues au casino. Ouais, bah on va dire Martingale, mais ouais. Ça. Aujourd'hui, on est que sur des mots qu'on avance. Rentrée décisive de Bakua, on la garde en secours pour les autres votre matchs. Votre secret hein. Entrée trop décisive. Mais on en parle après. Tu veux dire qu'il y aurait une Bakua dépendance? Un petit peu. Mais en tout cas, Panichelli, premier match, premier match officiel, premier but. Expected goals. Point expected goals. Allez, à votre avis, Metz, combien? Bah, ils ont cadré 0 fois donc. Mais ils arrivent à avoir des effets. Ils ont 2-3 en combien de temps ils ont pas une barre? Non, cadré 0 fois c'est juste. Hein. En tout cas selon le site. Mais une barre c'est pas cadré donc. Mais je vous rappelle que l'expected goal c'est pas se cadrer ou pas, c'est en fonction de la position où le mec a tiré, quelle était la probabilité qu'il mette un but. Donc s'ils ont tiré tout à 30 mètres de haut, ça. Non, ils ont fait que 2 tirs. Voilà, et pour une somme de 0,57. 0,3. Ah 0,3 quand même, ouais. Racing 0,45. 0,6. Ah ouais, quand même. C'est vrai qu'on est sur un match donc avec moins de unexpected goal. Hein, quand même. Alors, il y a des gens qui ont vu le match en vrai. Moi, je l'ai vu pas en vrai, hein, parce que moi, je regardais la télé. C'était très chiant. Mmh. Vraiment, ça, c'est mon analyse un peu poussée. Hein, mais ils sortaient quand même d'une sortie réussie contre Fenem. Ouais, c'est hyper 4-0. Ils avaient pris une très bonne saison. Ils ont arrêté quand même avec beaucoup de confiance, je pense. Ouais. D'où la difficulté pour le Racing. C'est ça. Non. Et puis ils ont Demangué. Demangué. Ah, je suis un joueur là. Mais Metz favori pour la 20e, j'allais dire la 20e place, il y a plus que 18 équipes. La 20e sur 18. Ouais, c'est encore mauvais que 18. Bah je crois que oui, ils sont ouais, bien. Comme on a déjà tout vu, tu disais. Oui, nous on sait tout. Ah oui, c'est vrai. Mais ils ont tout fait pour hein. Ils ont une équipe pour ça. Je crois que l'objectif est connu. Il peut y arriver. Mais le Diallo qui arrive là, ça va changer. Mais ils nous ont battus hein, sur le nombre d'ascenseurs hein, quand même. Hein. Là, ils sont devant leur signe. D'un ascenseur. Ouais, d'un ascenseur. Là. Ils ont un ascenseur quelques étages. Ah, le match où le Racing était en rodage, hein, on sent que Emega, Panichelli devant, c'était pas trop ça. Ouais. Et effectivement, il a fallu la rentrée de Bakua. C'est ça. On peut l'enregistrer pour plus tard, ça. Ah, puis à Metz, il y avait le gardien dont tout le monde nous parlait, on n'en parle déjà plus. Fischer, hein. Ouais, que tout le monde trouvait sympa, parce qu'il est sympa. C'était ça un peu l'idée. Hein. En conférence de presse, il était sympa. Et du coup. C'est le même bon signe d'être sympa. Et du coup, les journalistes, comme ils avaient vraiment rien à dire pendant les quelques jours avant le début de saison, ils ont tourné là-dessus. Ah ouais, on va voir maintenant Fischer, il est vraiment sympa. Et jamais ils ont parlé de son niveau. Et son niveau était sympa. En même temps, il sort de combien d'années d'Oukidja À mon avis, ça fait 5 ans. Ça fait 15 ans. Mais ils lui ont payé combien le gardien hein. Ça fait cher payé quoi. Après, quand tu sors Oukidja, la rigueur, tu peux. Ça fait cher payé. Oui, non, mais oui, c'est pour ça que je me suis arrêté de chercher. Il y avait une tribune fermée aussi à Metz. Ouais. C'est vrai. Mais ils se sont déplacés, en face. Plus haut, plus haut. Et ils ont fait un tifa. Alors est-ce qu'on avait un envoyé spécial? Genre, alors, Luc, tu étais à Metz. J'étais. Et, Calcio aussi. Ouais. Alors, on va commencer par le plus jeune. Hein, Donc, Calcio. Ouais. Non, du coup, le match, pas grand chose de plus à dire. Hein, c'était ennuyant à souhait. Et du coup, niveau tribune, la Horda s'était déplacée, du coup, du côté de la Groupa. Parce que là, leur tribune était fermée par la LFP et ils ont fait pas réussir parce que la LFP voulait pas. Au final, ils ont pu se déplacer. Il y a eu un tifo, je crois que c'était la Groupa, contre la fermeture de tribune. et une banderole de la Horda pour dire aux UB où ils étaient. Qui était drôle, prévu. Qui était drôle, avec le torticolis. Ouais. Genre, on est là, comme ça, vous n'avez pas un torticolis. Bel esprit derby. Ouais, oui. Un derby convivial. Bah, bon, oui. Et il n'y a pas eu un incident ? Oui, on en parle ou pas ? Le pétard. Ah, bah voilà. Oui, le pétard. Mais on n'en a plus parlé. On n'a plus du tout parlé de cette histoire. C'est marrant, alors parce que quand il y a un pétard à Metz, si c'est Strasbourg, ouais, on en parle pendant 6 mois. Et si c'est Metz, il n'y a plus rien. On dit que c'est Strasbourg d'abord, et puis après on en parle. Et bizarrement, je ne sais pas comment, quel est le mec qui s'occupe de la sécu, mais à Metz, dès qu'il y a un truc, finalement, ou alors c'est parce que vraiment tout le monde s'en fout. Mais après, c'était pas un pétard sur un arbitre, donc ça. C'était que sur un enfant. Ouais, pour un sort de balle quand même, il est sorti, il avait les mains sur les oreilles. Bah, choqué, ouais. Ouais, alors que tu vois, quand par exemple ils ont pas toujours fait de la merde. À une époque, ils lançaient sur Paul Lopez des. Mmh. Non, c'était pas sur Paul Lopez. Comment oui, celui de Lyon. Le mec de Lyon. C'était sur Rokidja. Et sur le mec de Lyon. C'était Lopez. Spectaculaire. Anthony Lopez, voilà. C'était bien. Non, et donc on en parle plus de ce truc. Voilà. Étonnant. Et pourtant, même des Strasbourgeois qui disaient ah, c'est des Strasbourgeois. Qui se réjouissaient. Non, c'est pas trop. Allez, on enchaîne parce que. Ouais, timing, on a beaucoup de choses sur Metz. Je pense. Ah, c'est un peu trop long. Mais un match qu'il fallait gagner, je pense. Hein, premier match. Ouais, c'est important pour la confiance. Bah, c'est important de battre Metz. C'était hein, peut-être un match à 6 points. Ah, c'est comme dirait le président, l'important, c'est les 3 points. Voilà. Voilà. On enchaîne et alors vachement bizarrement, en coupe de conférence league, on reçoit qui ? Metz, mais qui joue en jaune. Exactement la même équipe, avec un meilleur. Ils ont changé de gardien, mais sinon c'est pareil, ils jouent pas pendant expected goal. Alors là, on va voir les stats, mais est-ce que c'est pas un peu un remake du match de Metz, c'est-à-dire une équipe qui refuse le jeu en espérant de pas prendre une valise ? Et un peu le même genre, on fait rentrer Bakoa, sauf que là, on marque pas. On marque. Bah, on aurait dû marquer, mais. On aurait pu marquer. Mais on n'a pas pu. On aurait pu en prendre deux aussi. Il y a la boulette de Doucouré. Ouais. Et ensuite, il y a aussi Barco qui fait son camp. Pas loin du tout, ouais. Mais on note 7 arrêts décisifs du gardien de Bombay. 0 de notre gardien. Ouais, ça fait combien d'expériences ? Penders démission. Ça fait 20 au moins. Alors, Penders démission, mais pas que Penders, puisqu'on a eu 2 gardiens sur ce match. Ah oui, mais c'est vrai en plus. Ben, on a eu Olaf Carl Johansson. Magic Johnson qui est rentré et qui, je crois qu'il fait, il a quand même une balle à un moment à capter, qui capte hyper proprement. Et c'était effectivement le seul truc de la soirée pour les deux gardiens. C'est pas sur ce match qu'il fait un arrêt en extension. Ça, non. C'est Nantes. C'est Nantes aussi. Ah ouais. Ça joue en jaune aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Les grosses infos, genre ça, bon, bien sûr, ça mais... c'est une petite info qu'on vous a gardé pour vous. Oui, ça, c'est la valeur ajoutée à Radio Stoub. Donc voilà, est-ce que tu as des stats, Lucas ? La position, 65% pour Strasbourg, 35% pour Bondy. Après, c'est vrai que le match a été arrêté au début à cause des fumigènes des Danois. C'est scandale. Une belle marée jaune, on a vu au centre-ville de Strasbourg. Oui, c'est vrai que le jaune, ça flash toujours bien. En tribune aussi, c'était un des plus beaux parkages. En jaune en plus, ça beaucoup mieux. Quelques mecs en noir en bas après à la fin aussi. Oui, oui. Et j'ai vu qu'ils étaient très férus de culture parce que j'ai vu des photos des supporters qui se prenaient en photo devant le musée historique de la ville de Strasbourg. Et ça fait plaisir. L'ancienne boucherie, tu veux dire ? Ouais. En sortant de la Biocop, ou je sais pas comment ça s'appelle, la Nouvelle Douane. La Nouvelle Douane, voilà. Visiblement, ils aiment le bio aussi. Bon, oui, bon. Et ça fait plaisir. On n'a pas de stade d'expected goal sur ce match, je suis désolé. Il y a zéro. C'est le match européen. Ouais, il y a que dalle. Mais c'est vrai que. Mais c'était le premier match en tribune, avec la nouvelle tribune. Oui. Oui, la bière, Si on a fait le tour du football. La Stamford Bridge. On peut dire que quand même sur ce match-là, on est à deux doigts quand même de s'en vouloir beaucoup, parce que genre ne pas réussir à marquer à domicile face à une équipe qui était clairement inférieure avec beaucoup d'occasions, c'est souvent un mauvais signe pour le match retour chez l'adversaire. Finalement, spoiler. On en parlera après. Mais plus important, effectivement, la nouvelle tribune et surtout la bière qui, à ce match, a déjà baissé de 10 centilitres. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une question Minitel. T'as vu ça, là, cette réactivité de Monsieur Foot de Foot lui-même. Parfois, je m'interroge. Voilà. Et donc, Monsieur Foot de Foot nous dit, en mettant en avant un article d'un fanzine, je sais pas ce que c'est, Pokara, je le retrouve pas. Alors aide-nous puisque c'est toi qui a posé cette question. Est-ce que tu te rappelles ? Ah voilà. Poca dit une diminution des quantités. Oh, Poca met souvent un article en clic en lien. Exactement. Et il ne s'adressait pas à nous en réalité. Alors c'est @PocaTeam sur X, anciennement Twitter. Une diminution des quantités, qui n'est pas passée inaperçue auprès des supporters et supportrices strasbourgeois. Alors oui, ES, point machin, point médian. Point de suspension, emoji bière, emoji ballon, emoji smiley, et c'est trop petit à mon âge. Et toi, tu nous dis une question que Radio Shtoub doit prendre à bras le corps, enfin à la pinte. Pour l'exclamation. Ouf. Eh, ça, on rigole, hein. Ouais. Mais... Il y a des auteurs, pas mentir. Alors, on explique aux gens en pratique. Ouais, alors j'ai une bonne explication à ça. C'est un peu comme si tu te retrouvais. Alors, on n'y voit aucune ressemblance avec la réalité, mais c'est un peu comme si tu te retrouvais avec attention, ton abonnement si tu... amputé de 5 matchs, tu vois, par exemple. Ouais. Et que on te le vend au même prix. Ouais. Donc là, t'as plus 50 centimes, t'en as 40. Ouais. Oui, mais attends, toi, t'as. Mais ça n'a rien à voir avec une situation qui a pu. Toi, t'as reçu une lettre de Marc Heller. Voilà. Oui, les mecs de la bière, rien. Non. Alors, qui c'est qui suit les prix, par contre? Est-ce que le prix est le même ou est-ce qu'il a baissé? Le prix a baissé de 50 centimes. 50 centimes. Donc ça fait une baisse en quantité de 20%, mais le prix a baissé seulement de 8%. Ah, ouais, voilà. Et il y a quelqu'un, je sais pas si c'est sur Racing Stube, qui a un très bon site, Racing Stube, je vous conseille. Quand il fonctionne. Ou sur X, anciennement Twitter, qui a dit que ça s'appelait la shrinkflation. Shrinkflation. La shrinkflation. La shrinkflation. Ou le tableau de Gallus. Ouais. Exactement. Est-ce que tu es en quelle tribune, Lucas? En tribune famille. Tribune famille. Ouais. Et donc, ah, vous n'êtes pas amputé de 5 matchs? Non. Non, non. Il y a 10 centimes de moins sur le coca. Et comment ça s'est passé quand il y a eu des travaux en tribune? Ouais. Bah, il y avait plein de poussière encore dans les gradins. Ouais. On n'a pas passé le balai. Ouais. Sur les abos, les machins. Bah, moi, je devais être placé et ils avaient rajouté une barrière devant moi. Donc moi je suis avec la petite, j'ai dit bah non, on aura la barre dans la tête, ils ont réussi à nous remettre au-dessus, mais ils sont sympas en fait. Oui. Il y a de la place. Et donc il n'y a pas de gens de la S qui ont été obligés d'aller dans la Ouest par exemple? Non. Non, c'est que la Nord et quart de virage l'ancien cop. Donc c'est de là qu'ils viennent alors. Et okay. Du coup ils sont pas replacés du tout. Non. Et vous À vous c'est mort. Bah, visiblement vous êtes la Ligue de la Terre. Ligue en plus. Voilà. Et donc du coup on a goûté à la. Alors, est-ce que c'était la vraie Coupe d'Europe ou pas la vraie Coupe d'Europe? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Alors, quelqu'un a dit que comme il y avait le patch cousu, c'est la vraie Coupe d'Europe. Le maillot à guerre, surtout. Et le maillot à guerre qui est très beau. Il est très beau. Qui est très beau. Qui, a priori, est déjà en rupture de stock, à part le petit pixel. Jamais je réussirai à avoir un truc. Non, mais le maillot à guerre, il faut quand même savoir que... Je ne suis pas de marque. Hein, ouais. Oui. Si tu dis à guerre, tu dois dire le grand... C'est peut-être un futur sponsor, le maillot à guerre. De la marque Aguerre, bien connue. Le grand. Ouais, je connais pas d'autres marques. Il n'y a pas d'autres marques, il n'y a que Aguerre. C'est le troisième maillot. C'est-à-dire que, évidemment, si ça s'était mal passé contre nos amis de Brøndby, ils n'allaient pas le jeter à la poubelle. C'était de toute façon un maillot qui allait sortir comme troisième maillot. Mais alors attends. Débat maillot third, c'est ça que tu es en train de dire? Third, ouais. Alors attends, juste. C'est sur le match retour, ça. Je peux faire une private, je ne le fais jamais. Mais oui. Les gens du KDF, je sais que vous nous écoutez, je pense à vous. Non, c'est rien. C'est un des trucs de ma secte et le maillot third, c'est un sujet très important. Bon, vas-y, continue. C'est maillot third. De toute façon, il sortait, donc là, il sort parce que ils l'ont présenté comme le maillot. On a un noir aussi. Attends. Ils l'ont présenté comme le maillot Coupe d'Europe, mais de toute façon, il serait sorti, quoi qu'il en soit, Coupe d'Europe, ou alors ça s'était mal passé contre Brøndby. Maillot, third. D'ailleurs, il existe avec mais pas avec le même sponsor. Oui, il existe avec l'autre sponsor. Ouais. A priori. Je l'ai vu. Alors, moi, à ce qu'on m'a dit, il était dans les cartons. Ça, j'ai vu. Et de toute façon, il sortait. Donc, on parle du noir avec les plumes. Ouais. S'il est dans les cartons. Ouais, du coup, Coupe d'Europe ou pas Coupe d'Europe alors? Moi, je pense Coupe d'Europe. Évidemment, c'est même la plus belle. Fin... Non, mais est-ce que c'est la Coupe d'Europe? Tu sais, comme Stuttgart, mais Fribourg. C'était non, pas la Coupe d'Europe. Comme le Canada derrière. Francfort, merci. Ça, c'est les Allemands. Parce que Francfort, on avait le patch et l'hymne de l'UEFA. Oui. Donc c'était aussi la vraie Coupe d'Europe. Ah ouais. On avait l'hymne de l'UEFA déjà. Ouais. Ah ouais. Bah alors, on m'a expliqué que comme il y a l'hymne et le patch, c'est vraiment un match. Alors que Haïfa et Plovdiv, c'était match de barrage, c'était pas des matchs. C'était pas le tour préliminaire, je sais pas. Oui, justement, le barrage compte comme un match de barrage. Pas les tours préliminaires. Oh, cela dit, Brøndby reste un club un peu historique. Des jeunes, Weich. Mais oui. Les matchs Coupe d'Europe, hein, et Brøndby, c'est en Ligue des Champions. Bah oui. Ouais, c'est juste. On dit Brøndby déjà. Ouais, c'est des trucs d'attente, ça. Bien sûr. Brøndby pas but au match aller. Ah non, c'est le match aller. Un petit sujet sur ma chambre. On va pas trop tenir le timing. Ouais, allez, on y va. Bon, c'était super. Ah, c'était bien. Match d'après, du coup, on rejoue à la Méno contre Brøndby de nouveau. Ouais, de nouveau Brøndby qui en plus qui joue comme Metz. Alors, on est perdu. C'est un mélange en fait. Il y a Brøndby Metz et ça a donné Nantes du coup. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, Nantes, tu as dit Metz 20e, Nantes 19e, hein, c'est ça? Nantes, alors Nantes, ouais, 17, je dirais. 17 en partant de 20 ou 17 en partant de 18? N'empêche, vous avez vu comment on est? Je veux dire, on est infect. Oui, là, y a, dans le temps, ouais. C'est ce que les gens faisaient à TFC Stoub, ASS Stoub, ils disaient, ouais, alors le Racing, 17e, ouais, 18e. C'était nous avant ça. Non, mais nous, on a l'expérience. Là, quand tu vois une équipe commencer sa saison comme ça. Oui, il y a l'expérience. Ouais. Alors, surtout que. Surtout que contre Nantes, enfin, on pourra peut-être en parler, mais il peut y avoir match nul à la fin, c'est pas un scandale non plus. Je veux dire, on n'a pas non plus ultra dominé le match, quoi. Eh ben, attention, on a des stats. Battez-vous sur les stats. Non, là, juste la possession, c'était vraiment équilibré, hein, 49% et 51%. Mais c'est dingue, on a exactement les mêmes chiffres. Alors moi, si tu veux, je vais te sortir un truc. Vous parlez du même match. C'est troublant. Je vais sortir un truc qui sert à rien. C'est la précision des passes. Ça vous dit ça? Alors nous, on a 84% de précision de passe et eux, ils ont 82% de précision de passe pour un total. Parce que sinon, s'il y en a qui avait 10 et l'autre 8000. Où sont les autres? Voilà, pour un total de 496 en ce qui concerne le Racing et 519 en ce qui concerne Nantes. Pour eux, on peut dire, c'est pareil. Incroyable. Voilà. Ça, c'est une stat, vous la connaissez pas. On fait 4 tirs cadrés, ils en font 2. Ouais, ouais. On fait 2 arrêts décisifs, ils en font 3. Sur 4, puisqu'il y en a un, bah, du coup. Voilà. Et méga, on fait un, dans les 4. Ah oui, alors est-ce qu'on a le expected goal de... comme un... On a les expected goals, ouais. Non, mais celui de l'action de méga. Oui, bien sûr, bien sûr. L'action des méga. Monte à 50. L'action des méga, elle vaut. Putain, mais mes yeux, c'est terrible. Hein. Elle vaut, bah je le vois pas. Mais je vais te dire parce que je vais regarder ses stats à lui. Quelqu'un chante pour l'instant, s'il vous plaît, merci. Non, mais on peut dire que non, t'as respecté quand même la grève de 15 minutes. Tout à fait. Ils ont mis une banderole anti-Blouko et les UB une banderole contre Kita. Ouais. Donc, bonne entente entre les deux clubs. Malgré ça, il y a quand même un arrêté préfectoral sur ce match-là, il me semble. Alors, je n'ai pas compris, hein, les Nantais étaient à un plan d'eau. Oui. Et pourtant, il y a des autocollants nantais dans tout le centre-ville, donc des magiciens, sûrement. mais effectivement, et on en a parlé, quelqu'un a recherché vite fait, la première banderole anti-Kita date de 2010 ou 11, je ne sais plus exactement, mais de l'époque d'Ilali, où les Nantais ont fait une banderole anti-Ilali, et le quart de virage nord-ouest, comme tu l'as dit avant, là où était Copavron, a fait une banderole anti-Kita. Entre nous, entre temps, nous on a changé plein de trucs, on a recommencé machin. Eux, ils sont toujours un petit peu au même niveau, avec des résultats quand même qui déclinent un petit peu tous les ans. Et on va pas se cacher que Nantes, quand même, ils sont dans les candidats favoris. Enfin, genre, ça mais ils sont toujours là. Ça fait 100 ans, mais parce qu'ils savent. Oui, mais ils étaient en la science. Ils finissent par tomber. Exactement. Voilà. Mais ouais, et puis en janvier, ils vont reprendre 42, et babadi, babala. Alors, pour répondre à la question, c'est vaut 0,8, l'action que rate Mega. En plus. Bah, 0,8. Je dis pas rien. Ça va, j'étais loin avec mes 5 ans, enfin. Bah, 0,8. C'est quasiment. Alors, du coup, bonne rentrée de Dylan McGuire ou pas? Excellente, hein, rentrée décisive encore, comme à Metz. Trop décisif. Ouais, moi, je crois qu'il en fait trop, ce mec. Il en fait trop. On verra les prochains matchs, hein, ce qu'il veut. Pour moi, c'est la Bakoua dépendance. Ouais, mais effectivement, après, je pense que le tour du match, c'est le raté des mégas. Cela dit, on se moque de lui, mais c'est quand même une certaine force de caractère, parce qu'après, il marche. Je pense que justement, ça l'a piqué dans son orgueil et dans son. Clairement. Genre, moi, j'ai l'impression que Mega prend très, très à cœur son rôle de capitaine. Je pense qu'il voulait, il aurait tenté n'importe quoi, il aurait pu faire une seule passe jusqu'à qu'il marque avant la fin du match, ce qu'il a fait, donc ça tombe bien. Et ça permet de remporter encore les 3 points, du coup 6 points en 2 matchs. Apparemment, stat genre jamais arrivé depuis 92 que Gilbert Vess a des cheveux blancs. Quelque chose comme ça. Ouais. Incroyable. Merci qui? Bah, merci Blouko, voilà. Évidemment. Bien sûr. Voilà. Et bon, sinon, un match, pour le coup, c'était sympa. Parce plaisant. Que c'était plaisant. La bière faisait toujours 40 centilitres, mais elle était servie plus vite. C'est vrai. Oui, parce que contre Brøndby, les Brøndby danois, hein, il y avait eu un souci aussi avec les bières pas ouais, bien sûr. Ils n'étaient pas prêts pour le premier match et le truc est un peu choqué. Ouais, on essaye. Donc, du coup, hop, Nantes, c'est bien. Quelqu'un encore, hein, quelque chose sur Nantes? Je trouvais que Nassé était complètement largué. Ça allait beaucoup trop vite pour lui. Il est sorti à la mi-temps, il me semble. Mais sinon, Johnson qui fait le, oui. qui fait le job hein, comme en début de saison dernière, en fait. Hein, le job, c'est, il prend pas de but. Mais d'ailleurs, Nanasi ouais, il a jamais déçu. Est remplacé par Améga parce qu'on fait la première mi-temps avec Panicelli tout seul. Exact. C'est bon, ça. C'est pas beaucoup mieux, hein, d'ailleurs, un avançant que les deux devant. Hein. Merci. Non, mais alors. Ça reste là, un match poussif. Je pense que là, généralement, tu fais un focus, tu prends une tablette. Je zoome sur Nanasi qui est en train de faire une passe avec une ligne imaginaire, qui le 53e parallèle, là. Et puis, Nanasi. Genre l'année dernière, il a flambé en début de saison. Après, on a dit qu'il était cramé parce qu'il était parti. Cette année, il y a quand même quelque chose. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Bah déjà dans les matchs amicaux, il fait deux équipes. Il le met dans l'équipe qui pas titulaire. Quoi. C'est déjà un signal du coach. Et là, effectivement, on le trouve éteint. Là, il a joué en sélection. Il est rentré. Il a pas pu changer le cours du match. Mais c'est vrai qu'il a quelque chose l'année dernière. Dès qu'il jouait techniquement, il était très juste, très fin techniquement. Mais là. Toi qui connais un peu les arcanes du football, est-ce que c'est le fait que Liam l'ait mis dans l'équipe B qui a fait qu'il perde sa motivation et dalala, et que du coup ça confirme quasiment, c'est comme un truc autoréalisateur. Prophétie autoréalisatrice. Exactement, de Liam. Ou alors Liam avait des data genre de physique, je ne sais pas, des tests physiques. Ou de quoi, je ne sais même pas quoi. Et c'est la faute de Liam ou c'est la faute de Nanasi? Je ne sais pas quoi. Ouais. Magnifique. Ouais. Bah, il a beaucoup plus de joueurs que l'année dernière déjà, Rosenior. Après, c'était pour le piquer un peu, je pense, qu'il l'a mis dans la seconde équipe. Ouais. Et Nanasi n'était pas non plus bon en fin de saison dernière, donc il est quand même sur la continuité pour moi. Oui, plusieurs mois même. Pas ouais. Ok. Ah oui, donc c'est plutôt ça, c'est plutôt l'idée de. Pour moi. Ouais, ouais. Okay. Bah ouais, mais après, c'est pas con, genre, j'avais pas pensé à cette idée de dire je te mets en équipe 2 pour un peu essayer de. Électrochoc, ouais. Ouais, électrochoc. Mais c'est vrai que on est un peu déçu par rapport à ses débuts tonitruants, où il avait quand même enflammé un peu la méno. Complètement. Je pense qu'il y a le contre-coup aussi d'une grosse saison dernière. Hein, où il a pas vraiment le contre-coup. Le contre-coup a démarré en mars. Il y a des parents, je suis fatigué parce que j'ai regardé la télé hier soir. Ça marche le mercredi, le jeudi, mais bon, vendredi matin. Après, c'est un des plus jeux d'équipe. Non, c'est pas un des plus jeux d'équipe. Non, je veux dire, ça joue aussi. Mais c'est intéressant l'idée de piquer. Parce qu'évidemment, piquer un joueur, c'est un classique, mais il y a des joueurs avec qui ça fonctionne très bien. Il y a des joueurs avec qui ça fonctionne pas du tout et qui au contraire vont se refermer. Et on a un peu l'impression que Nanasi, il a ce caractère assez timide, un peu en retrait. Le psychologue de comptoir que j'aime être se dit que c'est plutôt quelqu'un qu'il faudrait offrir de la confiance, offrir rassurer, voilà, être un fait de père et Liam. C'est quelque chose qui fait au quotidien. Ça me fait penser à ce reportage de l'AFP que j'ai pas regardé sur Nanasi, mais où on m'a raconté qu'effectivement toute sa famille disait qu'il pleurait tout le temps quand il perdait, quand il était gamin. Je sais pas si quelqu'un l'a vu. On a déjà parlé dans Radio. On a déjà parlé. Et donc du coup, effectivement, est-ce qu'il a un mental un peu friable, ou alors est-ce que tout simplement il a un physique un peu en dessous des standards 2025, genre c'est un peu comme si on mettait Mostovoy aujourd'hui et le mec il serait même plus en équipe réserve. Genre, mais une vraie anecdote. Tu peux pas dire ça sur Alexander. Vraie anecdote. Vraie anecdote qui va peut-être changer le cours de ce débat. J'ai croisé Nanasi à IKEA l'autre fois. Vraiment. À IKEA c'est magnifique. Il y a quelque chose d'exceptionnel. Il avait une petite chasuble jaune. Non, même pas. Non, il a le chasuble de remplaçant déjà. Il est peut-être actionnaire. Ah, ça, c'est un jeu marrant. J'ai rencontré IKEA, pas IKEA, j'ai rencontré Nanasi au IKEA. J'ai rencontré Liam au Marcel Spencer, il y en a plus. Vous pourrez voir pour chaque joueur. Bon, bref, continue. Super tifo des UB aussi pour l'Europe. Oh là, leur anniversaire. Avec Jamie, c'est le coup d'envoi. Petit camion, pas mal. C'est le coup d'envoi de la saison des. Moi, je trouve que le camion, c'est une super idée. Oui. C'est vrai. Ouais. Ah ouais. Même Jamie l'a repartagé sur. Ouais. Mais surtout le camion, surtout la bande. Ouais. Le reste, c'est de la merde. Moi, j'ai trouvé le camion. Il est pas devenu ultra depuis. Tu fais rendre la com là, genre tu devrais lui offrir la. Les Racing Girls, elle va lui refaire la. Les Racing Girls, elle est fameuse. Moi j'ai trouvé qu'il y avait des parties bleu clair extrêmement réussies. Après. C'est vrai que c'était rigolo et puis la bande Rock'n'Roll était vachement bien. Ils ont fait un communiqué pour ça ou... Ouais, elle a dit. Je crois qu'ils ont dit un truc du genre ouais, les UB, on les... c'est des connards. Un truc comme ça. Non. J'ai pas compris le rapport. J'ai pas compris le rapport. Sans transition, puisqu'on parle des connards qui sont allés à Brondby, Luc. Ah pardon. Avec Luc fait partie des connards. Je l'ai vu à Brondby. Moi j'étais en tant que envoyé presse toute la guerre. Avec, mais je l'ai vu. Le Racing se déplace et joue un petit peu sa quand même sa première sa partie saison. De saison sur cette qualification en Conference League. À Brondby, dit Brondby, hein, j'ai appris ça là-bas, je ne savais pas du tout, mais ça fait 30 ans que je dis Brondby. Bah oui, mais je dis Brondby. Et je vais continuer à dire Brondby, je vous le dis tout de suite. Alors Brondby, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même vraiment la banlieue de Copenhague. Grosso modo, c'est à 20 km du centre. Est-ce qu'on recommande Copenhague? Oui. Copenhague, Brondby, beaucoup moins. Hein. Ouais, moi, Copenhague, je le recommande beaucoup. J'aime beaucoup cette ville. Pourquoi? Il n'y a aucune blague, mais pas pour la bouffe, ça c'est vrai. Pas mais, pour la ouais, mais non, mais c'est des gens très agréables. On a passé de bons moments hein, en dehors de matchs de foot dans d'autres années là-bas. Je trouve ça assez beau. Tu peux prendre du train comme tu veux, tu peux aller partout. Les pistes cyclables comme à Strasbourg un peu, non? Ouais, alors j'ai fait peu de. Mais effectivement, on voyait. Il y a des pistes cyclables, mais je trouve qu'elles sont mieux qu'à Strasbourg. Elles sont grandes. Les avenues sont grandes. Mais en fait, ils se sont pas dit que pour faire une piste cyclable, il fallait faire une voie de voiture. C'est-à-dire qu'il y a 6 voies de voiture et une énorme piste cyclable à côté. Exactement. Non, c'est très chouette. Ils ont la Colmarienne là-bas. Et non, pas encore. Mais ils ont le Tivoli. Ils ont le Tivoli. Ils ont le Tivoli. Tivoli, c'est vrai. Et donc ça, c'est bien. Toutes les villes l'ont. Parce que t'as pas le Tivoli aujourd'hui. Ouais, ouais. Une ville, quoi. Hein, donc. Voilà. Donc le Racing arrive conquérant. Oui, Galati, mais un peu stressé quand même. Moi, j'étais pas rassuré, je sais pas pour vous, mais. Ouais, moi, je suis pas rassuré du tout non plus, mais. Oh, ça sentait l'entourloupe, hein. Mais ça, c'était l'ancien aussi. Ça sent un tout. Alors. Mais merci qui? Enfin, bon. Merci. Bah, alors, par contre, avant le match, j'ai croisé Marc Keller. Ah! Voilà. Il t'a tapé dans le dos. Monsieur Marc Keller. Il était là, il était présent, il avait un KO. Voilà, c'est l'information Radio Stoop. C'est chouette. Alors ça, c'est vrai. Si vous allez au Danemark, on pourrait quand même apporter un peu de valeur ajoutée. Même en été, il faut quand même... Le temps est changeant. Hein, parce que c'est un peu... C'est venteux. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est préparer alors des polos. Hein, on est toujours bien en polo. Mais effectivement... L'élégance française. L'élégance française, à la française. Un petit cardigan quand même pour quand il fait alors un petit peu frais. En fin de journée en particulier. Et le kawé, parce qu'effectivement, il y a du grain par moment. Mais le kawé dans une poche, là, qu'on met autour le classe... Mais celui-là, il faut prendre celui-là parce que comme ça, tu peux trimballer toute la journée et puis t'as l'air con avec ta poche sur les couilles là que t'as devant toi. Et puis, tu mettais devant toi. Ah ouais, c'est bizarre. Alors non, moi j'étais snob, je refusais d'en prendre. Mais je voyais les gens. Moi, j'avais le kawé derrière. Il y en a qui le mettaient devant et ça me faisait beaucoup rire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il pleut, tout le monde se fout de ta gueule, t'as un truc devant les couilles et là tu fais tu sors le truc et voilà. Donc moi, le Danemark, je recommande. Mais il faut faire attention aux fringues. Voilà. Et Marc Keller avait son cahier parce qu'il est prévoyant. Il a évidemment. Analysé. Marc, évidemment. Je pense qu'on a tout dit sur le match. Ouais. Non, alors le match... Alors par contre, là, j'ai pas du tout de stats. Là, je suis quand même curieux. J'ai pas regardé les stats. Mais le problème, j'étais juste content qu'on ait gagné. Ouais. C'est un match UEFA. Là, on a quasiment... Moi, j'ai quasiment... J'ai la possession. J'ai 53% pour Strasbourg, 47% pour Brondby. Voilà. Avec le gardien de Brondby qui était malade et qui a envoyé son cousin. Et... Ouais. Catastrophique. Moi j'ai 6 jaunes pour Strasbourg et 5 jaunes pour Brondby. C'est tout ce que j'ai. 11 jaunes pour. Non. C'est tout ce que. Mais quel dernier quart d'heure? Quel dernier quart d'heure? Si on veut parler un peu d'émotion et tout ça, le dernier quart d'heure est dingue. Bah, franchement, moi je trouve. Ouais, c'était des directs super décousus. Ouais. C'est vrai. C'est la première fois que je vois un coup franc indirect qui marche. Ça doit pas siffler pour moi. On en a pris un il y a quelques années contre Saint-Etienne de mémoire. Ah bon? Ah bah alors c'est pas là, ouais. Ah ouais, c'est vrai que j'en vois peu, mais en général le Racing les prend. Hein. Alors moi je l'ai pas vu, j'étais pas là-bas. Hein. Donc moi je l'ai vu sur un stream, sur un flux officiel. Je ne sais plus si c'était ou l'autre là. Exceptionnel. Avec YouTube avec les commentaires. Exceptionnel. Alors les gens ils gueulent et tout, mais moi c'est incroyable. Donc déjà le mec te parle de MMA du début. On croirait Radio Club. On croirait Radio Club. Tu viens pour un match de foot, le mec te parle de MMA. Donc ça, top. Et alors un de mes moments préférés, il y a deux moments que j'ai adoré. C'est pendant le dernier quart d'heure. À un moment, il y a un pseudo début de Rix. Il y a un joueur du Racing noir, je sais pas lequel, qui est par terre. Et il obtient un coup franc, je ne sais quoi. Et il y a les mecs s'agglutinent autour. Et là, on entend un des deux mecs fait ah enfin, c'était un des deux mecs qui vraiment ce que t'aurais jamais en temps normal. Et l'autre truc, c'est vers la fin du match, il y en a un qui dit bah, écoute, tu vois, littéralement, il dit moi en fait avant je regardais jamais, mais je sais pas, je crois que je vais me mettre à regarder du foot. C'est le genre de mec qui met pour commenter la Coupe d'Europe. Je trouve ça fabuleux. C'était quel flux Je sais pas lequel des deux. C'était des streamers, ouais. Je sais pas trop quoi. Et tout le monde a gueulé contre, mais en fait, je trouvais ça drôle. Ah oui, c'était mieux que. Voilà. Ah bah, BFM ça c'était beaucoup plus propre. Hein, oui, c'était pour dire que les ultras sont des cons. Que la grève c'était pas bien, etc. Ah ouais, c'est ce qui présentait BFM. Ah, je sais pas, mais je crois qu'il dit ça. Je sais plus si c'était au match aller ou au match retour, mais il nous a fait 10 minutes là-dessus. Voilà. Après, là, on parle de la fin du match, mais le début de match, c'est vrai que première occasion, premier but des méga, tu dis que ça va bien se passer quand même. Sa célébration, moi, ça m'a. Enfin, surtout la charrette des défenseurs, par rapport à Emega, oui. J'ai l'impression que c'était moi aussi, ça m'a beaucoup. En face. Ouais. Et différentes célébrations contre Nantes, il a pas du tout célébré Emega, et là tu voyais haranguer les UB. Il y a une forme de libération en fait. Alors, contre Nantes, il avait peut-être un truc en tête, raté juste avant. Leur jeu, il est limite contre Nantes, la lutte. Il est limite. Moi, une de mes questions, c'est est-ce que les défenseurs avaient la charrette, ou est-ce qu'il va vraiment extrêmement vite hein. Il va extrêmement vite, mais j'ai quand même eu l'impression que les autres, il les a mais déposés. C'est un des joueurs les plus rapides de Ligue 1, quand même. C'est ça, voilà. Ouais. Ouais. Sachant que le joueur le plus long de Ligue 1 est plus rapide que le joueur le plus rapide de Ligue 1. De Brindu. Ah, c'est mon... Ça, c'est de la classique. Tâche. Ouais, mais super. Voilà. Et donc, du coup, conférencier, qualification, boum, boum, boum. Ta. Le timing est short, mais on peut quand même parler. On a le tirage. Parce qu'on va dire, on s'en fout du match de Brondby-Brondby, là. Ouais. Genre, c'est quoi c'est on peut parler de la finale. C'est l'émission pour enfants. Nous, c'est la finale. Et avant la finale, quand même, il y a des matchs. Six matchs. Épiques, six matchs épiques qui sortent au peuple strasbourgeois. Alors, on commence tout de suite par un déplacement à Bratislava contre un club qui doit être le Slovan, je pense. Slovan, ouais, Slovan. Tout à fait. Voilà. Le 2 octobre. Le 2 octobre. 2 octobre. Ouais. Jeudi 2 octobre. Absolument. J'ai pas l'heure. Bratislava. Tchécoslovaquie. Oh là là, Tchécoslovaquie, c'est beau. Oh là là. Dans le pays d'Alexander Wenzel. Exactement. Oh là là. Vous le voyez venir l'article sur Alexander Wenzel dans les DNA ? Tout à fait. Et il va dire j'admire Strasbourg, qui est devenu Bruco formidable. Ouais, bah. Non, il s'en fout, il bosse à la FIFA. On dira ça quand même. Il dira ça, ouais. Enfin, le mec des Dena dira qu'il a dit ça. Et, puis, ouais. Et donc, du coup, premier match, on peut pas rêver mieux. 1,90€ la pinte. 1,90€. Et alors, genre, il faut savoir que. Mais attention, ils ont pas d'euros. Bratislava, c'est à peine 950 km. En 8 heures. Train de Karlsruhe à 6h ou 7h du matin. C'est un peu compliqué le train. Ah bon. Surtout en Allemagne. Oui, jusqu'à Bratislava, de Karlsruhe. Ah ouais, je connais des gens qui l'ont fait. C'est en 24 heures, arrêtez, il y a un glorieux Radio Stubis qui est pas avec nous ce soir, qui va le faire. Ah ouais. Ah. On le reverra sans doute plus jamais. Il va voir un match à Karabag, là. Ensuite, à domicile, nous allons... Jagiellonia. Jagiellonia. 18h45. Voilà, parce que les Polonais, ils mangent très tôt. Oui. Il faut savoir. Donc, c'est comme tes grands-parents, en fait. Ils mangent très tôt, il faut qu'ils puissent se coucher. Ouais, et des patates. Mais c'est vrai que 18h... comme tes grands-parents. 18h45 en semaine, ça fait. Bon, heureusement, moi j'habite à Nantes. Mais t'as ta chance. On joue en championnat la semaine d'après. Exact, c'est juste. Contre Lyon. Contre Auxerre. Non. Mais non, vous êtes Auxerre, en semaine. Pardon. Il n'avait pas entendu, il est sourd. Et c'est juste. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit ? Jagiellonia, on sait même pas où c'est. Aucune idée. Okay. Là, franchement, j'ai même pas de blague. Et on s'en fout, c'est eux qui viennent en plus, alors on n'a pas besoin de savoir d'où ils viennent. Voilà. Puis le stade aura pas donc là, ça fait 6 points. Hein. Et Méga a dit, ça fait 6 points. Voilà. Ouais. Et ensuite. Alors c'est très bizarre. Ensuite, on va à Hagen. On va acheter des cuisines à Rennes. Ah non ! À Aachen, non, il n'y avait pas des pubs à la radio quand on était jeunes pour. Le diamant bleu. Ouais, ok, on passe. Aachen en Suède. Donc de nouveau, la. Banlieue de Göteborg. Ouais. Parce qu'on fait que la conférence league, c'est, tu vas dans les grandes villes, mais tu joues les clubs de la banlieue. Tout à fait. Genre Copenhague, Brøndby, Göteborg, Hagen. Édimbourg, Aberdeen. Bratislava. C'est Édimbourg, Aberdeen. Ouais, ça marche bien ton truc. Hagen ou Aachen, c'est écrit Aachen. Ah, c'est écrit Aachen. Rien à voir avec la piscine. Mais ils jouent, je crois qu'ils jouent pas dans leur stade, hein, j'ai cru. Non, alors ça se jouera dans le deuxième stade de Göteborg. C'est-à-dire pas le stade olympique, l'autre stade après. Non. Du IFK. Non, parce que sinon c'était sur un synthé, sur une île, j'ai entendu. Leur vrai stade. Ça aurait été génial. Ça aurait été beau. Ouais. Mais il n'y a que genre 3000 places, enfin, c'est un truc, c'est ça le problème. Là, on est à 6,80 la pente, c'est quand même. Ouais, mais là, c'est la Suède. Là, c'est la Suède. Oui, là, c'est normal. Et du coup, est-ce que Nanasi a passé dans sa carrière à Aken, ou il y aura un article là-dessus ou jamais? Oh, j'irai à Ikea pour lui demander. Ouais. On sait pas, mais on s'en fout en fait. Et là, le gros truc, le gros machin. Le gros. Alors, ce qui est marrant, parce que c'est un club nul à chier hein, en réalité, mais c'est la réception de Crystal Palace. Qui, alors petite anecdote, s'est quand même fait exclure de la Coupe de l'UEFA, enfin de l'Europa League, hein, ouais. À cause de la multipropriété. De Lyon. De Lyon. Absolument. Et alors, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais je parle sous le contrôle des experts de Radio Chou, c'est que Crystal Palace est détenu par le même Américain qui a des parts. Enfin, le mec qui a une partie des parts de Crystal Palace a aussi une majorité à Bromby. C'est le même mec qui a racheté qui a des équipes de NFL et de trucs comme ça et qui s'est dit je vais investir dans le foot en Europe et il a 4-5 clubs en Europe et donc et alors Crystal Palace c'est vachement compliqué parce que tout le monde a des parts Textor ma grand-mère voilà et Mais c'est nul à chier, Crystal Palace. Mais beaucoup fait bien les choses, parce que clairement, ils visent Santos, hein. Il n'y aura pas de problème de Coupe d'Europe. Bah, disons qu'ils sont plus précis dans leur choix. Ouais, les mecs n'achètent pas n'importe quoi parce que c'est en promo. Machiavélique. Mais alors, attends, on parle de ça ou on parle de la Conference League? Non, on parle de la Conference League. Alors, Crystal Palace, est-ce que tu peux nous faire un petit topo, toi qui connais un petit peu le championnat anglais? Ouais, écoute, le problème, c'est que moi, je connais le championnat anglais avec mes préjugés d'il y a 20 ans. Donc, Ils se sont fait traumatiser par Vira aussi, il y a quelques années, avant qu'ils soient chez nous, non? Il n'était pas entraîneur là-bas? Bon, on a un ancien joueur de Crystal. Maintenant. Alors, là, par contre. Il y a Lacroix qui est à Crystal, il y a Mateta. Ouais, il y a un certain nombre de joueurs. Joel, il vient de là-bas? Chilwell, il jouait là-bas. Ah ouais, à Chilwell, je croyais, parce qu'on n'avait pas un Joel dans le staff. Sam Joel, mais c'est un directeur sportif. Ouais, voilà, mais il aurait pu passer par Crystal Palace. Oui, c'est. Mais je crois pas. Non, bah Crystal Palace, ça veut dire pas les. C'est Grégory Till. C'est quoi? Alors, Crystal Palace, c'est quoi? C'est une banlieue de Londres? C'est. Non, pas du tout. Je ne crois pas. C'est à Londres, quand même. Bah alors, c'est une banlieue de Londres, tu vois. Je t'aurais même dit, moi. Après, Londres, je vais être clair, je connais pas Crystal Palace. Donc, est-ce que Liverpool est la banlieue de Londres? Bon, c'est un débat. Ils viennent de gagner une coupe, là, d'ailleurs. C'est Crystal Palace? Ouais. Contre qui? Contre City ou Liverpool, j'ai tout. Et contre Liverpool, là, ils viennent de gagner le Community Shield, non? Ouais, le trophée des champions. Ils ont mis 3-0 à Aston Villa. Ah, ils sont costauds, hein. Alors, Il y a beaucoup de joueurs. Ah oui, Croydon. Oh là là, oui, alors c'est vraiment la banlieue très très éloignée de Londres. Là, on est. Oui, d'accord. Non, j'ai rien à dire sur ce club, sauf qu'il y a 20 ans. Enfin, moi, c'est un club que j'ai toujours associé à un club pourri. La preuve, son palmarès, c'est Coupe d'Angleterre 1, Community Shield 1. Des tout récent, du coup. Tout récent. Ouais. Mais ça date de l'année dernière, on est d'accord. Bah, plus ou moins, ouais. De cette année, même. Hein. De cette année, ouais. Après, ouais. Alors, l'info, effectivement, c'est que Crystal Palace n'a jamais joué la Coupe d'Europe. Bah oui. C'est la première participation. Et ils se font lourder de l'Europa League, du coup. En plus. Pour la première. Sachant que même Hull City avait joué une Coupe d'Europe. Donc, autant te dire. Cela dit, ils font partie des gros favoris de cette Coupe d'Europe. On est troisième selon les bookmakers après Crystal, la Fiorentina. Après, c'est faux, ils ont fait une Coupe Intertoto en 98. Ah, quand même. Ah, oui, ils l'ont gagné contre Samsung Sport, non? Je suis plus sûr. Ouais, tout à fait. 0-2, un show, hein. Putain, je me souviens, j'étais là. Samsung. Mais ils l'ont pas gagné, du coup. Bah non. Ils ont été éliminés 0-2. Ils ont fait un match. Un match, 0-2. Ouais. Mais tu ne comptais pas, c'est vraiment comment je joue. Ouais, alors là, tu m'en demandes trop. Et le dernier match, bien sûr. Aberdeen. Ah, Aberdeen. Mais c'est pas le dernier match, après, il y a un truc islandais aussi. Ah oui, c'est vrai, il y a un truc qui se lance. Aberdeen, 4,60€ la pinte. Ah, j'ai déjà pris le billet d'avion, moi, pour. Pour Aberdeen? Pour Aberdeen. Moi aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui va à Aberdeen. Ah, c'est le club de l'ancien club de Sir Alex Ferguson. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est le stade le plus froid de Grande-Bretagne aussi, puisqu'il est à 500 mètres de la mer du Nord. Voilà. Certains diraient que c'est pas la Grande-Bretagne. Ouais. Peut-être les gens d'Aberdeen. Mais. Ah, ce qui est sûr, c'est qu'on va rien comprendre à ce qu'ils nous disent. Il y a l'ancien de la Ligue 1 qui joue là-bas aussi. Officiel. Ah, qui ça? Aouchiche. Aouchiche. Ouais. Et je me souviens plus, il jouait où Sauzé quand il est parti en Écosse. Au Hibernian. Hibernian. Bah oui, c'était club de Sauzé. On a pas je suis désolé, hein, je me souviens pas qu'il a joué Hibernian. Moi aussi, on le sait. Il suffit de regarder Trainspotting. Ouais. Donc, ouais, super, Aberdeen. Bah moi, oui, c'est celui qui me... Qui ne va pas à Aberdeen? Ah, moi, je suis plutôt team Bratislava. Et ça n'a vraiment aucun lien avec les tarifs de pinte que je donne. Et du coup, tu vas pas à Aberdeen? Tu vas pas à Aberdeen? Je suis pas sûr. Non, mais ah, il faut commencer à se... Tu vas à Aberdeen? Moi, j'irai pas à Aberdeen. Ah, merde. Ah, bah, là, personne n'y va, en fait. Mais on est quand même majoritaire à Aberdeen. Ouais, quand même majoritaire à Aberdeen. Tu vas? Oui. Et aussi. Et nous y allons, et tournez coton. Et faites pas le premier match, pas, historiquement, le... T'as cours? Ouais, ça y est, il est au lycée. Oui. Michael, au lycée. Ouais, ouais. Et vous faites... Personne fait le premier match, le match historique, quand même. À Bratislava? Ah oui, c'est le premier. Ah si, moi, ça me... C'est quand même le premier de Conference League. Moi, c'est bien possible. Mais non, c'était Brøndby, le premier de Conference League. Bah non, c'est le barrage. Ouais, mais il compte. On va recommencer, ouais. Mais donc, je pense qu'il faut qu'on refasse pour tous les auditeurs qui vient et qui ne vient pas à quel match pour qu'ils puissent prendre des notes. Non, non, mais pas. Pour les cambrioleurs strasbourgeois et d'ailleurs, qui vient, quand partez-vous? Non, mais non, c'est pour la plateforme de Renault. Quelle est la marque de la plateforme? Connecter rapidement sur. Alors, attention, parce qu'on est quand même pas du tout dans le timing. On va vite passer sur ce match Monaco. Le Racing enchaîne. On dit juste qu'on gagne la Conference League. Oui, bien sûr. Emmanuel Méga l'a dit. Je vous rappelle le champ Emmanuel Ballon d'Or. Emmanuel Ballon d'Or. Donc, il a forcément. Ah, une dernière chose, hein, finale à Leipzig. Hein. Leipzig, multipropriété. Tout à fait. Tout est dit, là. Ouais. Bah, c'est un symbole. Ouais. Comme un symbole, j'ai envie de dire. Un hommage. Mais j'ai envie quand même de dire un truc. Combien on gagne si on gagne tous les matchs jusqu'à la finale? 50 euros. 19 millions. Un double Samuel Smith. Alors voilà. Et ça représente combien de ce qu'on a dépensé au marché estival? Bah, un sixième. Et ben bah, non. Bah, si, 120 000, 19. Alors, un sixième, ça fait combien? Bah, 20. Ouais, ben non, c'est moins. J'ai fait le calcul, vous vous trompez, monsieur. Et c'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, on fait cette compétition pour le sport. On le fait pas pour l'argent, clairement. Bien sûr, évidemment. Oui, pour le prestige. Voilà. Et c'est là que je voulais dire que, l'argent contrairement à l'époque Keller, où on aurait fait ça pour le pognon, on aurait fait ça pour assurer notre budget, on aurait fait ça peut-être pour rembourser un prêt Sofinco. Là, on le fait juste pour la beauté du sport. Et ça, je veux dire, merci beaucoup pour ça. Bien. Pour faire revenir de la magie dans le sport. Et la magie des enfants. Il faut ajouter une chose, l'an dernier, qui a gagné cette Coupe d'Europe? Chelsea. Blue. Donc à un moment donné, cette Coupe d'Europe appartient à Blue Club. Et elle doit le rester. Elle doit le rester. Je propose qu'un club brésilien puisse la jouer à partir de l'année prochaine. Bah oui, bien sûr. Bon. Alors, Monaco. Oh, mais ça va, dites qu'on vous emmerde. Avec peut-être une finale en Arabie Saoudite ou au Qatar. Bah, hein, oui. Avec Cristiano Ronaldo en ambassadeur. Monaco. Le Racing enchaîne. Ça ne nous est pas arrivé d'enchaîner un match de championnat avec un match de Coupe d'Europe depuis très longtemps. Comment allaient être les jambes? Les esprits étaient sereins et libérés. Mais comment étaient les jambes à ce match à Monaco? Eh bien, les jambes de Pender sont pas terribles. Parce que... Oui, il a eu deux dans l'équipe. Il nous plombe d'entrée. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas très aidé par une passe un peu pas appuyée de Augsburg. Oui. Deux dans l'équipe. Deux dans l'équipe, hein, c'est Augsburg aussi deux. Par contre, c'est Cédric. Bon, je trouve. Ouais. Deux comme ça. Ce qui est gentil, c'est que Monsieur Bastien, lui, 6. Ouais, déboté. Ça, c'est sévère, mais dans l'autre. Oui, oui, c'est scandaleux puisque notre but annulé, leur but accepté. Mais je sais pas comment ils ont tracé les lignes. Non, c'est un peu honteux. Ah, après, globalement, les notes dans l'équipe, je me demande vraiment s'ils regardent les matchs. Hein. Est-ce que c'est le journaliste qui nous suit qui fait les notes? Non, a priori, puisque c'est le mec qui reçoit qui. Ah, ah oui, peut-être que c'est COB qui a fait les notes pour Strasbourg. Ils sont quand même mieux que les IDNA. Ça, voilà, oui. Mais les mecs sont ivres morts. On pourrait noter aussi que c'est comme d'habitude Minamino Minamino qui marque contre nous alors qu'il marque jamais en championnat. Moi, je le vois rentrer, je me dis que ça c'est, ouais, et ben, pareil, ouais, c'est vraiment fait. Et voilà, on va se prendre un but. Et du coup, je l'ai acheté sur un petit gazon, ouais, mais je suis sûr qu'il marquera plus. Ah non, mais c'est fini. Mais là, tu peux oublier. Parce que le problème, c'est qu'on joue Monaco le retour à la dernière journée. Mais potentiellement, ma saison sera finie. Non, là, tu veux un bon plan. Avec ce qu'on a dit dans l'émission, tu peux prendre Nanasi, il va mettre un triplé au prochain match. Ouais. Non, mais le hors-jeu, donc bon, scandaleux. Et d'ailleurs, vous avez vu que le hors-jeu, il va être réformé ou il est réformé? Il y a eu. On parle de foot hein, ici. Hein, c'est faut demander à Arsène Wenger. Ou à tort. Est-ce qu'on les a déjà vus dans la même salle? Est-ce qu'il y a réformage ou pas du hors-jeu là? Vous avez vu le truc ou pas? Après, moi, une chose, hein, sur chaque année, je comprends pas qu'à la télé, le grand public n'ait pas les mêmes images que le camion. Oui, ça, c'est un. Ça, moi, c'est un truc que je ne mets. On le voit de par-dessus l'épaule de l'arbitre. Surtout dans une logique ou une politique où ils cherchent à expliquer à tout le monde un peu ce qui se passe. Non, c'est de la vraie merde. Parce que, bon, pour expliquer, nous, on se fait annuler un but. Et eux mettent le même et c'est valide. En gros, c'est ça, ça se résume à ça. Et alors, c'est pas le but de Minamino. Hein. Là, le but de Minamino, on n'avait pas dit qu'on parlait pas d'arbitrage. On a dit ça, les grands clubs, ils parlent pas d'arbitrage. Il n'y a pas à tort, on a le droit. Ouais. Mais j'ai vu que Rosenior s'est pas privé de dire. Il a parlé sans en parler en disant je veux pas en parler. Il a testé contre l'arbitrage quand même. Voilà. Ouais, il a fait un adjoint qui a été exclu aussi, je crois. Oui. Oui. Enfin, et Tiboula aussi, mais Tiboula. Ça c'est différent. Alors que effectivement, généralement, Rosenior était plutôt. Un gros susboule, très posé, tu veux dire. Non, on l'a rarement vu critiquer, il était très zen. Je le trouve beaucoup plus tendu cette année, comme si on lui avait mis un petit peu la pression en haut, le big boss. Oui, peut-être. Bah, Blouko avait quand même dit que une Strasbourg sans Ligue des Champions, c'est la mort. C'est en Coupe d'Europe, non? C'était Coupe d'Europe. On va pas pouvoir jouer tout le temps à la Conférence League. Si on passe notre temps à la gagner, soit nous, soit Chelsea, on peut changer de Coupe d'Europe à un moment donné. Hein. Ouais. Oui, la neurasthénie, elle est pas très loin. Parce que c'est quand même, ça reste la Coupe des Villes et des Foires 3-0. 3.0. Mais franchement, c'est mieux pour nous de la jouer, je trouve. Mais sans tirer à l'heure. Ouais, mais c'est bien, faut y aller progressivement, je suis complètement d'accord. On stoppe des clubs. Clairement, c'était la seule à notre portée aussi, faut être réaliste. Parce qu'il y a un coup de moule en plus, non? Il a fallu une histoire de coupe de PSG, enfin, ça s'est joué à rien cette merde encore. Merci PSG. Ouais. Merci. Voilà. Monaco. Oui, alors à part ça. L'entrée de Bakwa, Entrée décisive de Bakwa, peut-être la dernière. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas la Bakwa dépendance? Non, parce que le lendemain, les DNA l'Alsace ne titraient pas qu'il restait à 99%. Non, c'est Dimitri Lénard qui l'a dit. Ah oui, mais je crois que la PQR disait qu'il restait. Mais grâce à la Coupe d'Europe, oui, grâce à mes infos que j'ai pas le droit de divulguer, c'est que, effectivement que la veille du match, Bakwa avait eu une autorisation de sortie scolaire pour aller rencontrer des émissaires d'un autre club à Monaco pendant que ses petits camarades préparaient le match. Et est-ce que c'est pour ça que notre maître Ibali était en tribune aussi, ou ça? Non, c'est juste non, parce que c'est Monaco, à Monaco. Et il avait des valises à poser. Mais il avait dit au revoir à tout le monde, bah quoi, à Brun de Bue. Alors moi, on m'a demandé, est-ce que... Oui, c'est vrai. Alors que... C'est cool. S'il avait connu l'histoire du club, c'est à Monaco qu'il faut aller pleurer dans les bras de son président. Tel Martin. Vendu par Roland Véler à Monaco pour assurer la subsistance du club. C'était tellement beau. Ouais. Il fait des petites images et tout. Ouais. C'est con, il n'y avait pas Twitter à l'époque. Voilà. Mais donc, c'était bien quand même. Du coup, Bakwa, entrée décisive, la dernière, puisque le lendemain, Bakwa, au buzzer, annoncé après la fin du mercato, un suspense insoutenable, alors que tout le monde savait qu'il partait depuis un mois, a signé à Nottingham Forest. Mais ça faisait quand même série Netflix, hein, comme ça, voilà, 24 heures chrono. Il rejoint Sels, et maintenant ils sont sans entraîneur aussi, parce qu'il a été viré de coach. Ah oui. Là, genre, tout récemment? Oui, cette nuit, il y a 3 jours. Ah, ouais. Ils veulent toujours pas prendre l'Auré pour faire l'Auré de l'Inforest. Mais ça, je sais pas pourquoi, mais. Alors, petit avis sur Nottingham Forest. Alors, Nottingham, c'est une ville qu'on peut accéder par train, puis Manchester, en à peu près une heure. Train très régulier. Et moi, j'ai voulu visiter le château de Robin des Bois. C'est fermé 9 mois sur 12. Après. Et donc nous, je vous montre le monsieur là-bas, mais voilà. Sinon, non, c'est nul à chier. Enfin, quelques mots sur la ville. Comme Nottingham Forest, c'est le seul. Ah, le club. Ah, tu parles de foot. Oui. Ah oui. C'est quand même le seul club qui a gagné 2 coupes d'Europe. Tout à fait. Des vainqueurs des clubs champions. Des clubs champions. En ayant gagné un seul championnat d'Angleterre. Ouais. C'est juste. Ah, je sais pas. 6,40€ la pinte. Donc effectivement, ils ont été champions. Ils ont gagné la Coupe des clubs champions. Ouais, tout à fait. Du coup, ils sont invités à rejouer l'édition précédente. Et ils regagnent alors qu'ils n'ont plus jamais été champions. Donc, ils ont deux coupes des clubs champions et un seul titre de champion. Après, ils ont un blason amusant. Ouais. C'est des armes. Des couleurs jolies. Non, c'est un club rigolo. Non, c'est un bon club. Mais oui, alors c'est déjà mieux que Crystal Palace, moi, je trouve. Et en prestige. Ils ont gagné deux fois la Coupe des champions. Ils triplent son salaire ou Bah, il double les chaises du président déjà. Ouais. Si c'est pour s'asseoir, il faut deux chaises. Au président, ah ouais, il y a deux chaises au bord du terrain. Le président de Nottingham, milliardaire, qui avait engueulé le coach d'ailleurs suite à un mauvais résultat en fin de saison. Qui est l'ancien d'Olympiakos, hein, qui je crois a été poursuivi dans des affaires. C'est lui qui avait un pistolet. Non, c'était le. C'est un autre, ça, ouais. C'était le Samnik. Il a. Ah ouais. Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'à mon avis. Bon, bref, il est impliqué dans des affaires un peu louches. C'est un grec. C'est un armateur. Bah, l'Olympiakos, forcément. Ah oui. Non, Matsès, ça a dû lui faire très plaisir de voir arriver Bakoua, lui qui avait fui les danseurs, et voir arriver le champion de la danse. Bah, il a dû dire salut Emmanuel. Hi, hello. Donc, tu parlais de Bakoua dépendance, mais oui, c'est clairement Emega dépendance, parce que là, il joue pas ce match, ça va faire un an qu'on n'a pas gagné sans lui, sans Emega. Ah oui, c'est vrai. Je crois qu'on a gagné qu'un seul match. C'est bien, Emega, c'est contre Nantes, c'est en octobre 2024. Et du coup, la vraie question, ça va, que va devenir Emmanuel Emega s'il n'y a plus Santos ni Bakoua pour lui donner les ballons de but? Ouais, ni Diarra. Il y a bien Paez. Paez, j'ai toujours du mal à savoir qui est, ce qui c'est, mais. Ouais, j'ai plein de jeux de mots qui me viennent à l'idée. Moi, je vais sur les défenses. J'ai du mal encore, mais c'est vrai que je pense que ça va être un bon joueur, mais je vois pas qui c'est. Oui, moi, je ne reconnaîtrai pas, c'est sûr, mais. Si, si. C'est vrai, il a un truc pour le reconnaître. Oui. Moi, je pense que la tête qui se lève comme ça. Et il y a un bonbon qui sort. Ouais, ça, c'est la bague de Boomer, je pense. Mais Bakoua, il est vraiment parti. Eh bien, parce que moi, je pense qu'il va revenir. Il n'est jamais dans nos cœurs. Parce que vous savez, moi, je pense qu'il va revenir. Moi, je pense que Chelsea va le faire revenir rapidement. Alors, comment, j'en sais rien. Mais peut-être d'accord. Samuel Smith. Peut-être qu'il fera une Samuel Smith. Hein. On va l'amener finalement, non. T'avais on va récupérer. Scoop, pas un scoop, mais oui, mais moi, c'est ce que je pense. Que... Où ah, c'est ça. Mais oui, c'est moi, mon souffle. Où il va faire un Samuel Smith, il va revenir parce que finalement, c'était une erreur. Il est parti, Samuel Smith, pour le coup. Oui, mais d'accord, mais il est reparti, d'accord. Ou alors, peut-être. Il a fait une connexion à Londres pour aller à Swansea. Peut-être une Sarre, je pars et je reviens. Depuis qu'il est parti, on a perdu. On a fait que perdre. Il est parti quoi? Juste avant Monaco? Non, peut-être juste après. Qui ça? ISS. C'était la station spatiale, ça, non? Ouais, c'est toujours. Un jeu de foot. Et une compagnie nettoyage. Ouais. Non, mais. Vous avez vu qu'il y a des camionnettes groupe Nicolas qui tournent à Strasbourg en ce moment? C'est pas vrai. C'est pas un signe? Incroyable. Je sais pas, un signe de quoi, je sais pas. Mais c'est souvent un signe. Ouais, non, mais je regarde si on a des questions Minitel, mais pas vraiment. On en a, on va en poser. Même pas sur ISS? Non. Mais disons, tu sens qu'il y a deux matchs à Monaco. Il y en a un premier avant l'entrée du regretté Bakoua. Et puis après quand Bakoua rentre, il y a une petite différence. Mais... Ah, mais si, question militaire sur Bakoua. Voilà, j'ai besoin de chercher de notre meilleur auditeur, évidemment. Ross 3. Qui nous écrit donc sur. Et qu'on salue. Ce qu'on salue, évidemment. Salut mon pote. Donc, comment il faisait Michel Drucker? Salut mon pote. Un truc comme ça. Les gens ont pas l'image, mais oui. Ouais. Salut mon pote. Donc, sur X, anciennement Twitter. Oh, mais il a changé de. Bah, alors... Michel Drucker a pu le faire à l'époque, mais. Ouais, tout à fait. Non, je disais bonjour à ma grand-mère. C'était ça, hein, l'explication. Mais on ne dit pas son handle sur Twitter. X. Alors, arrobas, vous l'avez demandé, vous l'avez pas demandé, vous l'aurez. I majuscule, I am, Ross 3, from, CX. CX. Ah, il a changé. La voiture. Ouais. Il a une CX? Il avait une CX. Ah. Mais du coup, c'était Ross 3 from Corsu, là. Ouais, mais là, CX Corsu. Ah, c'était Nicolas. Ah, bien joué. Tu nous as spoilé le truc. Voilà. Bref, une question. C'est ça, question. Une statue pour Bakoua est-elle prévue devant la Méno? Point d'interrogation. Excellente question. Bah oui, c'est vrai qu'on, ce qui nous manque pour être un vrai club de première ligue, c'est des statues. Oui. Arsenal à Thierry Henry. Hein. Ouais. Terrifiante. Hein. Ah non, ils ont Arsène Wenger aussi, il me semble. Ouais, c'est plus, encore il y a une de ces deux qui est terrifiante. Parce que tous les clubs anglais font ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup Arsenal. Non, Manchester, il y a des statues aussi. Ouais. Hop, puis on était au stade. C'est Chelsea qui nous intéresse. Enfin, Manchester. Chelsea, il y a Ferguson, Robson, Maguire. Anthony. Mais à Manchester, il y a des statues, mais le problème, c'est qu'elle joue, quoi. Je pense qu'il y a du geeks ou de la merde comme ça. Oui, quoi. Pardon. Oh, oh, oh. Excusez-moi. Et je voulais juste dire un truc aussi, mais j'ai oublié, c'est con. C'était voilà. Génial. Et donc, c'était super intéressant ce truc sur la match, ça devait durer même 20 minutes, ça durait qu'une heure. Ouais. Donc, du coup, on va tout dire. Le stade n'est pas fini, hein, le stade de la Méno. On n'est pas à l'abri d'un. D'une statue. Oui, non, mais d'un Marc Keller, ouais, plutôt d'une marque. Une statue, le colosse des shows. Ouais. Très très comme grande, ça. On pourrait voir sous son short. Comme le torse bombé et tout. Bon, voilà. Alors, vu qu'on a fait beaucoup de temps sur les matchs alors que finalement on avait rien à dire, on va parler du mercato. Et là, je vous donne quand même, grosso modo, 3 ans. 15 minutes. C'est-à-dire qu'on va faire une heure, mais. Ouais. Le mercato. Alors, c'est difficile, comment le prendre ? À droite, à gauche. J'ai beaucoup d'empathie pour le journaliste de l'équipe, hein, quand même, qui a dû se taper toutes les arrivées, tous les départs. Puis on a le cas de joueurs comme ça, hein, qui partent, mais qui en même temps reviennent. Pourquoi cet article sort juste après la rentrée des classes ? C'est parce que c'est un stagiaire qui lui a préparé tout le tableau. Mais il lui a fallu, attends, mais... c'est fini quand le mercato, là ? Ça fait 10 jours, là. Il lui a fallu 10 jours. Le stagiaire ne dort pas. Ah oui, mais il lui a fallu 10 jours sans dormir. Hein. Alors, il y avait quand même, ce qui est dommage, c'est qu'il y avait, est-ce qu'on le garde pour plus tard ? La question de Minitel qui aurait pu être posée avant. Sur quoi ? Sur la Coupe d'Europe. Après, très bien. Non, mais je respecte. Quand je dis après, ça veut dire jamais, tu vois. Non, je la poserai quand même, parce qu'il a promis. On a eu une révélation. Le ST Sébastien 67, si on pose une de ces questions. Ok, bon, ça va. Le mercato, est-ce qu'on. On va parler de Bakwa pour commencer. Ouais. On a beaucoup parlé. Moi, j'ai envie de poser. J'aime bien que c'est les tours de table, ça fait tellement radio. Oui, tout à l'article, tu es dans le lot. Ah, je pense que franchement cette année c'est des enculés, mais je pense que Racing, grâce aux moyens financiers de la compagnie Bloco, faudra poser sa grosse patte sur le championnat. Voilà. Donc c'est un petit peu le genre d'interaction qu'on recherche. Non, ben, non, c'est un petit tour de table sur quoi. Alors... Est-ce que c'est une perte ou une grosse perte ? Ben, ça dépend. Le Bakwa. Et on commencera par Luc. Ah, d'accord, très bien. Oula. Dur à dire, j'aime pas le foot. Attends, t'as ton grand oral à préparer cette année, ouais. Putain. Allez. Non, ben, je pense que c'est une grosse perte par rapport au début de saison qu'il a fait. Maintenant, il est tellement d'arriver, peut-être que parmi les vingtaines de personnes qui attendent là à l'entrée du stade, peut-être qu'il y en aura un qui sera remplacé. On verra. C'est vrai que c'est une réponse très politiquement correcte. Ouais. Les législatives sont donc pour pas longtemps. Ouais, bravo. Prépare justement. Je peux juste dire un truc ? Non. Et après, non. Je vais faire ma gueule. Ok. On fait le tour. Ouais, ouais, ouais. En fait, tu as l'honneur de le meilleur point. Tout à fait. Mais du coup, j'aurais plus aucun argument. Ils vont tout prendre. Allez, vas-y. Mais non. Monsieur foot de foot. Ben, Rosenior, il a fait des débuts de match sans Bakwa. On a vu ce que ça a donné. Puis il a fait rentrer Bakwa. On a vu ce que ça a donné. Mon avis. Et le même que celui de Rosignan, il faut faire rentrer Bakwa. C'est une excellente argumentation. C'est pas mal. Quel show est rentré. Oh, c'est difficile hein, de parler après une si belle analyse. La même. La même. La même. La même. Il a tenté sans. Ça n'a pas marché. Il a tenté avec. Mais si moi j'ai trouvé plutôt nonchalant hein, sur ses rentrées Bakwa. Hein. Ouais, ça reste mon. Mais bon. Ça reste le meilleur joueur. Le problème c'est que c'est ça. C'est que même un Bakwa nonchalant. Il n'était pas très chalant. Moi j'ai souvenir d'un match, alors je sais plus lequel c'est, j'en vois tellement du Racing. C'est hein, mec en jaune peut-être Metz, hein, peut-être effectivement, à un moment donné il perd une balle, il revient pas. Fin... Mais bon, malgré tout, ça reste le meilleur. Hein. Donc grosse perte pour moi. Grosse perte. Lucas ? Pour moi c'est un scandale. C'est un scandale parce que pour moi Bloco avait les moyens de le retenir. Alors d'accord, c'est la plus grosse vente de l'histoire, mais pour moi c'est un joueur qui est largement au-dessus. Offensivement, c'est dommage, c'était le meilleur passeur l'année dernière. Là, il part en plus avec le patch de meilleur passeur aussi de la Ligue 1. Et franchement, c'est vraiment un scandale. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'équipe est meilleure cette année que l'année dernière ? Donc, avec et sans Bakwa, c'est pas pareil ? Non. En tout cas, pas il y aura un temps de latence forcément pour. Juste, je reprends juste la parole. Je crois que le projet de Bloco, c'est pas ils ont les moyens ou pas de le retenir. C'est que le projet de Bloco, c'est de vendre. C'est de former, c'est de vendre. Et que là, à mon avis, l'offre qu'on avait pour Bakwa, on n'aurait probablement pas eu une meilleure offre. L'année prochaine ? l'année prochaine. C'est bizarre parce qu'il est jeune, il était en pleine bourre. Mais je crois qu'il lui reste que deux ans. Que deux ans de contrat. Donc potentiellement l'an prochain. Je vais pas prendre le tournée. Ça fait plus qu'un an. Moi j'ai aussi une réserve. Tu dis que c'est un apport offensif. C'est mais défensivement. Ah ah. Bah oui. Attendez, peut-être que eux ils ont juste regardé l'aspect défensif. J'ai oublié ce que je voulais dire. Donc, tu regardes Messi, il défend pas non plus. D'une plaisanterie. Tant bien, là, merci. Alex. Ouais, bah alors moi je peux dire un truc un peu différent. Ouais, ouais. Parce que t'as raison, meilleur passeur l'an dernier, et pourtant, moi je repense à sa dernière saison hein, de l'an passé. J'essaie de me rappeler des 3-4 meilleurs joueurs et je le mets pas forcément dans les 3-4 meilleurs, je le mets juste après. Pour moi, l'an dernier, il est pas si déterminant que ça. Alors, début de saison, il est exceptionnel, je dis pas. D'ailleurs, Santos qui est parti, Petro qui est parti, Dira qui est parti. Je mets un Santos, un Petro, non, peut-être pas Dira, mais je mets encore un Mara dessus. Un Mara. Non, mais pour moi, c'était pas non plus la star de l'équipe. Ouais, mais je suis d'accord en fait. C'était pas non plus. Je trouve qu'on a un peu, tu vois, tendance à. Du fait qu'il soit parti dans les circonstances qu'on connaît là. C'est parti comme le seul joueur qui mérite. Peut-être qu'on le survend un peu trop comme. Le meilleur joueur de l'histoire. Et alors après, il y a une version un peu plus cynique, c'est peut-être qu'il fait un début de saison complètement exceptionnel parce qu'il y a cette optique de transfert. Ouais. Bon, ça, c'est toujours je le truc. Sûr. Ouais, non, moi, alors moi, mon avis, qui est important... Il est même pas titulaire. Quel grand boulot. Et tu ne me feras pas taire. Car les Français veulent savoir. Mon avis est un peu comme le tien, c'est-à-dire et comme le tien aussi. C'était un joueur très important, comme tu dis, il a été meilleur passeur. Je pense que s'il avait été régulier sur la saison dernière, parce que moi j'ai trouvé que certains matchs, s'il avait été régulier, c'est pas qu'il aurait été meilleur passeur, il aurait été meilleur passeur avec, enfin, je veux dire, il aurait défoncé tout le monde. Et donc en fait la question c'est est-ce qu'on est plus faible sans le Bakua du début de saison? Oui. Est-ce qu'on est plus faible sans le Bakua qui avait vraiment des hauts et des bas quand même? Je suis pas sûr. Et ce qui est plus important encore, c'est qu'on en a rien à foutre parce que le championnat est méga plus faible. Donc de toute façon, oui, parce que là où c'est vrai, ce qui est dit, c'est qu'on le remplace par plus faible. Mais c'est pas grave, championnat. On le remplace par. C'est encore tôt pour le dire, mais. C'est la question. Ah oui, c'est une vraie question. Est-ce qu'il va falloir faire un défilé? On va essayer chacun son tour. Alors, par l'alphabétique. Combien de joueurs sont arrivés? Une vingtaine. 27, je crois. Ouais. Alors, je dirais. Je sais plus. Le numéro 3. Ouais, le numéro 3. Le 3. Ah, le 3 a changé plusieurs fois, attention. C'est un numéro qui. Il faut pas. Je pense qu'il a passé un cap, là, en début de saison, Bakua. Ouais. Oui, mais la question, c'est est-ce que c'est parce qu'il savait qu'il était en position de se partir? Il y a aussi l'expérience du joueur qui part à la dernière minute. Hein. Bellegarde part. Il n'est pas remplacé. Il fait un super début de saison. Oui, exactement. Il se dépasse, des coups francs. Exactement. D'ailleurs, on salue Haïti. Bellegarde qui a fait une entrée fracassante avec l'équipe d'Haïti à l'assaut. Ah, c'est vraiment Haïti. Moi, je suis très Haïti. Le pays avec la lèpre et tout ça. Pas réparer les ordinateurs. Mais plutôt le pays de tout ça en ouverture. Mais c'est pas grave. Allez, d'accord. Pardon, on n'a pas les mêmes références. Mathias qui part. On se rappelle très bien du résultat. Donc moi, je crois que les départs de dernière minute, c'est pas toujours des grandes réussites. Est-ce que tu veux dire que si on enlevait le capitaine, le gardien et le meilleur joueur à Patrick Vieira, il aurait du mal à finir la saison? Qui sait? Hein, qui sait ouais. Bon, ceci dit, Patrick, bon, enfin bon, bref. Voilà. Moi, j'ai quand même une question juste technique. Bien sûr, évidemment. On est là pour parler technique. On parlera de l'achat de Santos ou pas à un moment? L'achat de Santos. Bah, alors, pas le joueur, le club. Ah, on peut. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Bah, si on peut. Non, là, c'est un peu. J'avais prévu un truc, mais ça aurait été dans le mouvement, tu vois. Là, c'est un peu forcé. Donc, j'y reviendrai plus tard, vous avez oublié qu'on. Donc, au niveau des départs, je veux dire, maintenant, on doit être concis. Est-ce que il y a. Alors, chacun va pouvoir donner le départ pour lui qui est à Orba, quoi. Ouais, qui est important. Alors, attends, cette fois-ci. Et on commence par JP Larpi, parce qu'il ne sait pas quels sont les joueurs qui sont partis. Exactement. Alors, je cherche. Thomas Delaine est parti. Thomas Delaine est parti. La dignité de Marc Keller, c'était il y a 2 ans. Il était parti, donc, non, c'est pas cette saison. Est-ce que tu peux dire Alain Pless si tu... Ah non, pardon. Oh merde! Ils l'ont dit! Mais Alain, il est resté! Ah, il est pas parti! Ben, je sais pas. Ah, bah, on va lui demander. Ben oui. Donc, qu'est-ce que quoi? Ouais, bah, écoute-moi, le départ que je regrette le plus. C'est peut-être un prêt. Ouais. D'un joueur de Chelsea. D'accord. Moi, c'est. Diong. Diong. Voilà. Allez, je peux passer. Diong, il est parti. Il est parti. Okay, moi, je vais prendre un prêt alors. Je vais prendre. On dirait le quiz. C'est terrifiant en fait. Moi, je vais prendre Petrovic parce que je trouve que c'est assez symptomatique dans le sens où, il a été acheté par Chelsea, je crois, il y a 2 ans, donc il n'y a pas si longtemps. Il va faire sa petite saison dans la vitrine RC Strasbourg Exposition. Donc il l'achète un peu moins de 15 millions il y a 2 ans, un an et demi, 2 ans. Et puis là, il vient d'être revendu 30 millions. Donc ils font leur petite opération, leur petit x2 avec 15 millions au passage. Mais en fait, si tu analyses le truc purement, du côté purement sportif, ce mec-là avait peut-être encore des choses à apporter à Strasbourg. Ou à Chelsea. Mais il faut faire la même opération avec Penders. Et donc, du coup, dans un an, on fera la même opération, etc. Je suis moins sûr. Bah, tu verras. Ouais, non, mais qu'on le vend en tout cas, que Chelsea fera 15 millions de plus-value. Il va où déjà, Petrovic? Mais il est parti. Bournemouth. Et Bournemouth joue quelle Coupe d'Europe? Aucune. Il en a pris 5 avec la Serbie, je crois. Ouais. Et il n'a pas dit qu'il voulait jouer la Coupe d'Europe. Non, il est là, peut-être à Strasbourg. Non, mais après, voilà. Du coup, il aurait dit un truc faux, en fait. Il a été acheté en 2023, je crois. 2023 ou 2024. Un peu moins de 15 000. Donc, Petrovic. Voilà, Petrovic. En vrai, c'est con, parce que Chelsea, ils ont quoi, 12 gardiens, quelque chose comme ça. Ouais. Ils ont une équipe, en fait, ils ont une équipe de joueurs de champ. Ouais, je crois que c'est plus le cas, mais ouais, l'an dernier, à un moment, c'était ça. Ouais. Et il n'y en a pas un qui est plus fort que Petrovic. Attention, parce que là, on attend tous l'expertise de Lucas. Ouais, je vais pas dire Diarra ni Santos, je vais prendre Manga, parce que je trouve qu'il a fait un très bon début de saison. C'est un prêt qui est incompréhensible pour moi. Joueur qui est polyvalent, couteau suisse, fiable pour un entraîneur, c'est quelqu'un de précieux. On a en plus Koulibaly et Homo Mabillier qui c'est super fragile derrière. Oh, super bien dit. Il est polyvalent, il peut jouer derrière. Moi j'aurais conservé Manga qui a fait en plus un très bon prêt au Havre la semaine. Et là on le reprête, toi? Non, on le reprête à Nantes. Non, Nantes. Ouais, tu vois, c'est oui, et vous l'avez prêté. Qui on a prêté à Nantes l'année dernière, rappelez-moi? So, il est croisé. Non, mais aujourd'hui il n'est plus Racing. Si, mais pas Iker. Retour de prêt. Ouais, mais on n'en parle plus. Genre, il n'existe pas. Pas avant 2026. Ouais, voilà. Non, mais moi, je trouve juste si je peux. L'an dernier, on a beaucoup pesté sur le fait que le groupe était trop réduit et qu'on n'avait pas de remplaçants. Mais en fait, on les avait les remplaçants. C'est juste qu'on les avait prêtés à Nantes, à Montpellier, au Havre. À London. Voilà. Et l'idée, c'est de faire exposer les actifs. Oui. Hein, c'est ça. C'est vrai que Manga. La vitrine. D'un joueur qui était. Ouais. Je suis complètement. Ah, c'est vrai qu'il était intégré, formé, qui pouvait servir. Mais effectivement, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour le prochain mercato à le laisser remplaçant en Racing. Il vaut mieux l'exposer beaucoup au Havre pour pouvoir le liquider. Nantes. Mais... c'est le même club. On notera que tous les mecs prêtés, en fait, le Racing. Il les dégage après. Ouais. Ouais. Et mon en fait, gars... c'est des prêts pour pouvoir mieux les vendre après. Enfin, en fait, quand on te prête, c'est le baiser de la mort. Marquez là qui vient de dire tu partiras jamais. C'est ça. Et Mwanga, quand on a acheté la paire Bakwa Mwanga, est-ce que Mwanga était pas plus prometteur selon les journalistes? Il me semble, hein. Ouais, 12 et 8, c'est lui. Bakwa était plus cher, je crois. Ah, merde. Je crois pas. C'était Bakwa. Je crois que c'était Mwanga pour moi. Côté Bordeaux, c'est Bakwa dont on parlait. Mwanga, oui. Qu'est-ce qu'ils connaissent en foot? Ils sont en quelle division? Mais il les voyait jouer. Du coup, Lopez a gagné quelque chose sur le transfert. 1,5 million. De la formation au type des indemnités de formation. Et ensuite. Il y a toutes les clauses dont on ne parle jamais dans les transferts. Mmh. Puisque, effectivement, il faut bien se douter que quand on dit qu'on a vendu un joueur 35 millions, il n'y a jamais 35 millions qui arrivent dans la tirelire de Marc Keller. Et encore moins tout de suite. Et de beaucoup, de toute façon. Et encore moins tout de suite. Hein. Si dans 5 ans, il y a 30 millions qui sont arrivés, c'est un bon transfert. Mais c'est pas grave. On peut aussi compter les choux et les carottes. Ça se fait très bien. Cachio, ton joueur départ. Et la tribune d'or. Quand je regarde à gauche du stade là, je vois qui a pris cette tribune et du coup très marqué par effectivement cette idée que c'est pas une idée hein, d'ailleurs, c'est une réalisation, une prouesse que les abonnés d'Anor n'aient pas accès à leurs 5 matchs, ce que je trouve de loin quand même assez choquant. Écoutez Sébastien, voilà. Travail, discipline. Valeur. Ah non, mais c'est important de le redire. Identité. Identité. C'est ce qu'on appelle, on avait plusieurs mots, mais alors, genre, foutage de gueule. Je crois que tu pouvais sélectionner un pack, 5 matchs, mais il fallait te rouiller, et puis après, t'étais pas sûr d'être. Enfin, bon, c'était un truc. Oui, en gros, t'étais pas sûr. Oui, non, mais franchement, plus que le fait que qu'on puisse être déplacé ou pour les travaux de la mélo, ça, je pense que tout le monde le comprend, mais c'est un peu le mépris. des mecs des autres tribunes. On a bien compris qu'aujourd'hui, il n'y a plus que la suite qui va compter. Et donc, c'est un peu ça qui est gênant. Enfin, moi, je m'en fous, je suis en West. Hein, ouais. Donc, ça, c'est bon. D'ailleurs, il y a une nouvelle offre commerciale pour la billetterie, pour voir des matchs en VIP. J'ai vu Non, tu as mal lu. C'est pas pour nous. Non, non, mais. Il y a un mec qui a voulu cliquer dessus, on lui a expliqué qu'il n'avait pas le droit de le prendre. C'était sur Twitter. Hein. J'ai vu que sur la billetterie officielle, tu peux, en tant que particulier, acheter un billet à 300€ pour aller en tribune sud maintenant. Allez, faites-le pour Strasbourg-Le Havre, hein, ça va être génial. Alors là, vraiment, s'il y a un truc où le faire, moi je vous le conseille. Vous m'en direz des nouvelles. Personne n'a d'infos là, c'est pas quoi. Non, si, il y avait le truc là où tu peux vivre le match du fond des gradins, sauf que le mec avait cliqué dessus, il nous dit ah non, on peut pas l'acheter. Parce que... Vivement le jacuzzi comme ils avaient fait où à 3 à l'époque, je pense que tu peux vivre un match. T'es maudit, toi, entre Racing. Après, sur les joueurs, quand même, moi je suis assez surpris que devant, en fait, on n'a pas beaucoup d'attaquants, quand même. Parce qu'on a aimé ça. On a Emega qui du coup est incertain pour le prochain match contre il est forfait, mais bon bref. Derrière, on a Panicelli, mais alors à part Panicelli, en avançant. Mara n'est pas pressé encore. Il est parti, c'est officiel. Auxerre a trop les lances en plus. Le match. Alors je comprends pas, le mercato se finit, mais on a encore le droit à un joker 2 semaines après le mercato. Non mais les prêts, tu peux faire ça. C'est exceptionnel, hein. Allez-y sur la billetterie du Racing. Pardon, on était en train de... Il y a des billets à 579 pour Racing Le Havre. N'Sizo, il est pas attaquant. Donc là, ça, c'est juste qui est discutable, non? Ouais, t'as quoi, t'as un ouvert? Tu peux dire que tu sais pas qui c'est, hein, moi, j'avoue, je ne sais, N'Sizo, je connais Enzo Schifo, mais N'Sizo, c'est... Ah si, c'est... On était recalé à l'équipe médicale, à oui, c'est celui qui a un genou qui a guéri. Entre... S'il vous plaît, excusez-moi. On vient de découvrir, il y a un repas semi-gastronomique. Ah, ouais, alors ça, alors pour moi, alors... C'est le cuistot du steak. Mais il y a des trucs, tu vois, par exemple, j'avais un prof de stats qui était allemand et qui maîtrisait pas complètement le français et qui disait ça, c'est un peu extraordinaire. D'accord ? Tu peux pas être un peu extraordinaire. Si tu es extraordinaire, tu es extraordinaire. Je ne pense pas que tu puisses être semi-gastronomique. Si tu es gastronomique, tu es gastronomique. Et si tu es semi-gastronomique, bah, tu n'es pas gastronomique. Et la bière fait 40 centilitres ou pas? Donc, tu peux t'arriver à voir. Ah, ça, c'est important. Alors, fais un zoom. Alors, massage du périnée. Massage du périnée. Champagne, vin, bière soft. Alors, ça, c'est vintage. Oui, parce que, en fait, t'as vintage. 880. T'as vintage aussi, hein, si tu veux. T'as les coulisses. Moi, je vais prendre 880, je pense. C'est... Ouais, mais contre le Havre. Mais pourquoi 880? Oui. Pourquoi pas? Ah, 880. Alors, ça pourrait être 90 plus 4. Ouais. Tout va être 90 plus 4. Ouais, bon, bref. De quoi vous parliez, vous? Alors, Alex, ton joueur. Moi, c'est Santos, parce que là, c'est vraiment. Facile, mais c'est non, mais j'ai une explication. Parce que maintenant, le milieu, c'est la diagonale du vide. Ah, je savais que ça plairait. Bah, ça me plaît beaucoup. JP Darkin. On parle de Clermont, on parle de tout ça, quoi. Exactement. Ah. Voilà. Maintenant, on est obligé de passer sur les côtés parce qu'on n'a plus Santos qui prenait le ballon et qui le remontait. On n'a plus Diarra qui prenait parfois le ballon et qui le remontait parfois aussi. Donc, pour moi, comme je n'aime pas la diagonale du vide et que je suis pour France remplie de partout. Donc, c'est Santos. Mais alors, je pense que c'est, effectivement, Santos, c'est une perte. Ouais. Qu'on va mesurer au fur et à mesure de la saison, parce que c'était quand même le meilleur joueur. Voilà, exactement. La meilleure. C'était le meilleur joueur de l'équipe. Le Craquito. Non, lui, c'était pas un Craquito, justement. C'était pas une pépine et Craquito, lui, c'était juste un bon joueur. Et genre, quand il l'a acheté, il savait que c'était un bon joueur. C'est pas un mec qu'on l'a acheté au cas où il serait bon. Non, eux, ils l'ont acheté parce qu'il était bon. Et là, il y a le petit article, tout le monde lit un petit peu Twitter. Ouais, j'adore. Genre, que Santos a refusé d'aller en Arabie Saoudite. Mais oui. Alors, il y a des articles qui disent oui, genre Chelsea a refusé. Non, pas du tout. A priori, c'est le joueur qui a dit non, je vais m'imposer en Premier League. Et je pense que Santos, en plus d'être un joueur talentueux, c'était un mec qui était hyper professionnel. Parce que, genre, tout ce qui a été dit, c'est que le mec, il avait des diététiciens, il faisait des entraînements en plus. Mm-hmm. Il est venu à Strasbourg, il a dit je joue à fond pour prouver ma place. Il a sorti l'arme en plus en fin de saison. Ouais. Je pense que lui, c'est vraiment investi. Mais genre, des mecs comme Santos, je suis pas sûr qu'on en reçoit beaucoup. Moi, je pense qu'il a regardé son compatriote Angelo et il a dit qu'il allait faire l'inverse. Ah, je l'ai oublié, lui. Ouais. Bon, du coup. Mais lui aussi, c'est oublié. Ouais. On a du mal, lui. Il a joué Ronaldo. Ouais. Et Alexis Macron, hein, quand même. Ah ouais, il avait pas une pubalgie éternelle, lui. C'est pas lui ? Si. Ah ouais, c'est ça. Hein. Voilà. Et non, effectivement, ouais, surtout. Ouais, ah vrai. Oui ! Et une femme ! Oui, je me souviens. Oui. Oh là là, pardon, ça me revient comme des flashs. Mon fils a honte de moi. Ouais. Et voilà, Santos. Luc. Ah, c'est Samuel Smith, je pense. Allez, ah, bien joué. Ouais, ouais, quelqu'un à la maison, ça peut aider là pour le Racing et pas que pour un montage financier bizarre. Et ouais, c'est vrai. C'est mal de le voir partir. C'est ouais, ça fait mal. C'est vrai, mec, il avait appris la station. Ouais. Avec la Yamazonia. Il a pris une maison, il a fait bouger toute sa famille. Enfin, c'est est-ce qu'il a. Et on nous l'a vu, tu l'as bien vendu en plus. Ah, je crois qu'il a fait. Hein, Mayence et apparemment il était apparemment de d'envoyé spéciaux là, il était archi mauvais. ben... mais apparemment là, mais 34 jours, je sais pas si c'est le record ou pas. Record à battre. Gilbert Grèce, 3 jours, une semaine quand même. Un été d'enfer. Un été d'enfer. Non, il était d'enfer. Non. Il a fait le premier match de championnat et le match de Coupe de Ligue. Mais la Coupe de Ligue était avant. Ils sont en Coupe de Ligue, Château en championnat. On se prend combien déjà ? J'étais aux accords tellement. 5 ou 6-0. Aïe. Plus que ça, je crois. J'avais fini à bouteille. C'est une information en off, ça, genre. 34 jours. Mais ça m'est. Parce que tu fous le. Parce que. C'est dommage, parce que moi j'avais vu jouer à l'époque. Comment il s'appelait le Brésilien. Non, le. Pita. Non, plus vieux. Le Brésilien que, genre, Philippe Ginesté avait recruté. Ah oui. J'ai envie de dire Angelo, mais c'est pas Angelo. Non, c'était à Boulogne, là, il avait fait 3 minutes. Romulo. Qui n'est pas Romulo Lukaku. Il a joué 12 minutes et le prêt avait coûté quasiment 1 million d'euros à l'époque. Ouais, voilà, ça c'est la classe. Ça c'est bien. Mais 34 jours. Combien Clough avait fait à Leeds? Brian Clough, on l'a acheté plus de 7 millions, il a fait aucun match en professionnel. Ah ouais, c'est ça quand même. Ouais. Mais on a cru en lui, faut pas critiquer, je pense qu'on a cru en ce joueur. 34 jours. Et 34 jours, ça fait cher, effectivement, le jour. Hein, ça. 44 jours. C'est mieux. Ah, 42. Non, Clough. Je parle de Brian Clough à Leeds United. Donc il a fait mieux que Brian Clough. Une légende. Mais là, on a sorti un truc, enfin, comme moi personnellement, j'avais jamais entendu, alors peut-être vous, mais l'annulation du transfert. Pas une annulation. On a eu les 10 jours de rétractation. Bah, moi, j'avais cru comprendre ça alors. De ce que j'ai maintenant compris en ayant lu plusieurs articles, il y avait une clause de rachat. En fait, la plupart des joueurs qui sont Racing ont une clause de rachat à taux préférentiel de Chelsea. Je vois pas pourquoi les mecs sont chiés à mettre une clause alors que c'est eux qui décident de côté. Bref, pas de polémique. Une maladie qu'on respecte et qu'on respecte. Le débat doit avancer. Pas de mais du coup, en fait, ils pouvaient totalement le racheter à n'importe quel moment. Alors, et c'est là que ça a été. C'est l'équipe qui le sort aussi. C'est que Diego Moreira, par exemple, Chelsea peut le racheter quasiment au prix où ils l'ont vendu. C'est-à-dire que Diego Moreira, c'est pas quand il est arrivé, tout le monde se moquait un peu de lui. À tort. Et le mec a fait une saison quand même exceptionnelle. C'est pas bon. Ouais. Il est parti sur des bonnes bases, parce qu'on va pas se cacher que, vu ce qui se profile, ça risque d'être un des meilleurs joueurs de la saison qui vient. Et Chelsea peut le racheter au même prix au moment. Après, international belge qu'il est. Voilà. Après, Chelsea, il faut aussi demander à Chelsea s'ils veulent le rendre. Hyper compliqué. Ah, s'ils veulent le prendre et laisser au Racing un autre joueur, au hasard international anglais au même poste, c'est possible quoi. Voilà. Donc du coup, il n'y a pas d'unanimité, mais il y a beaucoup de joueurs qui nous manquent. Les arrivées, est-ce qu'on a envie de faire les arrivées ? Bah non, c'est pas. Enfin, si vous voulez, allez-y. Bah, si quelqu'un a un mec d'une arrivée, on peut faire un quiz. Hein. Chacun doit en donner un. Je pense qu'on se fait 3-4 tours. Ouais. Un Écossais de 16 ans qui est arrivé. Ah ouais, ouais. On sait son nom ou... Non, Noumissi Thirez. Je peux regarder dans 22 ou 23 jours. C'est un 2009, c'est un international français, U16. Oh. Ah oui, j'ai vu. Bien City, le mec a signé. Alors, il y a des MCO qui vendent à d'autres MCO. Enfin, c'est. Oui, enfin, ça sent vraiment le pauvre gamin quoi, qui s'est fait trimballer partout. On l'a acheté ou il a signé son premier contrat pro chez nous. A priori, les rumeurs voulaient que Strasbourg soit le seul club qui lui promette un temps de jeu en une. Ah. C'est sûrement des trucs mal fondés, mais on verra s'il joue pas. Strasbourg est pas comme ça. Racing Stubbe de retour. C'est bon, on peut du coup, je peux voir les arrivées. Du coup, je vois les arrivées. Est-ce qu'il y a d'autres arrivées Marvin Celaya. Il est dans la liste Godot, des arrivées. Martial Godot. Oui, Martial Godot, ça m'a fait rigoler, mais Martial Godot, je sais pas qui c'est. Et c'est quoi le scandale avec le site, a écrit Golo, et les gens s'énervaient Ok, super. Je vois que vous suivez beaucoup. Non, mais j'ai vu ce truc. Et c'était toujours pas corrigé au bout de... Eh, hey, on a Divine. Qu'est-ce qu'il est devenu, Divine? Emmanuel Victor Vine. Divine. Vine. Je vous jure, hein, c'est sur racingstou.com, un excellent site. Divine Emmanuel Victor. Je sais pas. Attends, mais c'est un scandale. J'ai jamais entendu parler de cette personne. Poste attaquant, nationalité nigériane. Âge. Alors, 18 ans. 7. C'est pas le joueur qui est arrivé pour la 2. Il joue. Oui, peut-être. Mais il est marqué Ligue 1 sur le site Racing Show. Wow. Sur son maillot. Non, mais c'est réserve. Ah oui, Ligue 1 réserve. C'est bizarre ça. Non, mais réserve. Et il vient du club Solution. Oui. Ok, on s'en fout alors. C'est ça que je voulais dire. Non, mais alors qui est arrivé et qu'on est content? Chilwell. Pourquoi on se met à recruter un mec de plus de 23 ans d'un coup au dernier jour de mercato? Et champion d'Europe. Combien de champions d'Europe on a eu déjà? Un peu de respect. Merci qui? Merci beaucoup. Non mais excellente question. Sauzé. Pourquoi on se mettrait à recruter alors? Et Basic aussi qui a plus de 23 ans. Troisième gardien. Ouais, ah, il est dans la liste là, effectivement. On avait aussi pris un mec qui servait à rien, Adrière. Mais lui, il était alsacien. Oui, alors son salaire, c'était... Qui a une bonne stat, André, il y avait son seul match qu'il a joué. 200 000 hebdo. J'ai tout lu. J'ai lu 500 000 mensuels. J'ai lu 200 000 hebdo. J'ai lu 1 million mensuel. Non, j'ai 850. Moi, j'ai lu la dernière fois sur mon équipe, c'est 1850 mensuels, ce qui correspond à 200 000. À 200 000, ok. Le plus gros, c'est nous pourrir, de son salaire. Avant Chilwell. Avant Chilwell. C'est impossible de faire mieux que Chilwell. Ah oui, alors qu'il arrive peut-être. Alors Chilwell, on ne sait pas. Et après le loft. Il y a... Et après le loft. Après le loft. Après le loft. Bah oui, parce que Doucouré était quand même très motivé pour partir. Ils l'ont mis dans le loft. Et dans un loft, on réfléchit. Et vous, personne ne parle de Raphaël Louis. Mais, ouais, pas mauvais. Qui est pourtant beau gosse. Pas mauvais, ouais. Heureusement que le Racing Club est revenu. Parce que... Mais est-ce qu'on parlait pas de tout Chilwell? Je trouve c'est intéressant. Ok, on revient sur Chilwell. Ouais. On parlait pas de Chilwell? On parle de Chilwell. On parle de Chilwell. T'aimes bien Chilwell? Moi j'aime bien Chilwell. Rosé Louis Chilwell. Non mais Chilwell, on va dire si on prend le point de vue uniquement sportif, c'est quand même un renfort. Ah, c'est pas dégueu. De qualité. Sachant que la défense n'est pas non plus notre hyper point fort cette année. Oui, c'est plutôt un renfort pour l'infirmerie. Hein. Ah, le bémol, il est assez blessé. C'est un renfort pour l'infirmerie. Hein. C'est, je crois, 8 matchs au total sur 2 ans. 17 matchs de loupé par saison sur 9 saisons. Moi, on m'a dit que... Une fois les croisés. CPM, Alsace, elle avait fait un recours. Ouais, ils ont demandé l'annulation. Et à propos de CPM, comment on fait pour avoir une attestation? Alors, c'est très simple. Si on n'est pas la personne, mais que la personne n'est plus en état. Est-ce que tu as une carte vitale? C'est parce que Luc a besoin d'en prendre. Si tu as une carte vitale, alors non, tu peux on ne trouve plus la carte vitale. Pas de carte vitale. On en parlera un peu après l'émission. Si vous avez des tuyaux, écrivez. Mais j'ai évidemment des solutions pour vous, rassurez vous. Merci, ça m'intéresse. Ben Chouel est content. Après, c'est un super joueur. Quand il est en forme, une super patte gauche. On voulait de l'expérience, on en a. Donc, on peut pas se plaindre. Ah non, c'est sûr. D'ailleurs, on se plaint pas. Pourquoi? Oui, mais c'est le même côté que Moreira ou pas? C'est le même côté que Moreira. Non, on s'en fiche. Non, mais je veux dire, c'est quand même. On mettra à droite. On avait quand même une certitude. Non, mais. Il ira où on dira. Quand on sort d'Yves de Roff, de Thomas Delen, d'Ernest Seca qu'on mettait à gauche, on peut pas se plaindre. Ouais, non, mais. Rappelle-toi, la CFA2, ingrat. Après, Moreira va peut-être monter, hein, parce que. Bon, après, Moreira, tu veux dire qu'il va partir à Chelsea ou. Bon, allez. Mais non, mais l'année dernière, il a joué même pas 270 minutes. C'est-à-dire 3 matchs. Pour un expected goals de combien? Bon, il est défenseur. Et Koulibaly alors? Je l'ai pas là, j'ai la fille sur Ben Chilwell. Il y a deux questions importantes. Oui. Un, est-ce qu'on passerait pas au quiz? Et après, on a une petite ouverture sur l'avenir et il y a des jeux de mots de ouf. Il y a pas des questions Minitel? Si, mais oui. Mais question Minitel? Rapide. De ST Sébastien, Sébastien, sur X, anciennement Twitter. Oui, oui. @stseb67 qui nous demande à propos du papier de l'équipe qui met en lumière la gestion Blueco, donc on est en plein dans le sujet. Bravo STCEB67. Il dit rassurant ce papier, malgré les critiques, 2-3 trucs peut-être un peu limites, bien que légales, avec le recul, Blueco a tenu tous ses engagements et assure financièrement. Et là, devinez quel sujet arrive sur la table. Je sais pas, je suis un peu perdu. Pourtant, c'est un peu roulement de tambour. Ouais, on pourrait tous. C'est l'équivalent CNews, c'est l'équivalent CNews avec les immigrés. Donc là, on est sujet Twitter. C'est... Là, je veux dire qu'il y a Pascal Pro qui a parlé. Ouais. Super, ouais. Pascal Pro, sort de téléphone. Je vous l'avais dit. Pareil. Accrochez-vous bien. À ce stade, la grève des UB est-elle encore justifiée? Eh ben, écoutez, c'était Sébastien. Et Sébastien, je suis au regret d'annoncer que les UB 90 ne savent pas lire. C'est bien le problème depuis le début. Mais oui. Et je crois qu'ils en ont rien à foutre aussi. Aussi. Bon, voilà. Tu sais pas lire, parce que s'ils avaient lu Balzac, ben, Inception. Oh, oh, oh, extraordinaire. Ok, donc ça c'est une... encore ça, c'est une autre question, allez, vas-y, parce que ça était tellement bien qu'on va faire une deuxième. Alors, il la demande, bah, c'est la dernière question. Encore de Sébastien. C'est toujours le même. Il nous révèle son identité secrète de Racing Show. Et je sais pas si on doit le dire à l'antenne. Putain, franchement, j'ai l'impression d'être en Love Story. Je donne un indice, ça termine par 67. Comme très peu de pseudos sur Racing Stube. Alors, pas que 3 matchs ou rien pour la Coupe d'Europe. Attends, c'est compliqué comme pseudo. Attends, c'est pas fini. Pas que 3 matchs ou rien pour la Coupe d'Europe un jeudi soir. Donc ça, c'est son pseudo sur Racing Stube. Habile stratégie ou ça fait chier? Ah, ça fait chier. Non, bah non, vraiment, ça fait chier. Ah, bah là, je suis pas là. Alors là, je suis pas là. Mais vas-y. Allez-y, hein. Vas-y, il y a débat. Non, moi, je trouve que, alors là, merci beaucoup. Ah, pour le coup. Merci. Là, pour le coup, je trouve ça bien. Merci le prix de la billetterie, quoi. Voilà. Ah, le prix est raisonnable. Mathématiquement, c'est un peu l'arnaque, puisque pour Brombier, on avait payé 10 balles, je crois. Oui, mais c'était. Ah, 35 balles pour 3 matchs. C'est éliminatoire. C'est qu'on paye 5 euros. C'est pour la complète. Il y a Crystal Palace. Alors, quand même, je vais vous raconter le truc parce que alors, je reviens avec ma tribune nord qui fait chier. Mais le mail, le club m'a envoyé un mail en disant bah oui, votre tribune elle est toujours pas prête. Allez, vous donc, venez cliquer sur ce lien. Avec deux matchs. Et allez, allez choisir une place pour le match contre Jackie et Michel. Là. La Rana et Yana. Voilà. Laura, et donc je clique sur le lien et c'est vérité. T'as vu, je lis tout à l'heure. Et donc là, pas de club vintage 880 à 600 euros le truc. Il y avait uniquement toute la rangée, la rangée juste en dessous du toit de la nouvelle tribune en sud. Ah oui. En sud, libre. Donc je pouvais choisir parmi toute la rangée. C'est la, c'est je crois que c'est la tribune Aigle Royal. Oui, pour la voir 27 à chaque œil. Et ben du coup, je verrai ce match au dernier rang. Non, tu vas rien voir, on te le dit tout de suite. Oui, j'ai le siège de 199, alors je suis tout en haut. Ah, mais c'est bien, tu peux assister à la Coupe d'Europe. Mais il y a un écran, je crois. Pour dans la nouvelle tribune. Moi, je viens avec mon PC portable, je pense. Et en plus, tu pourrais aller d'autres matchs qui sont peut-être meilleurs. Quoi que c'est à 18h45, je sais pas si t'en auras plus tard. Ah ouais, bon, ouais. Mais il y a l'heure des pros, pour le coup. Ouais, c'est ça. Non, je suis très CNews. Vous êtes très CNews? Vous avez pas l'air très CNews. Ah, et bon, ils sont barbus, là, et tout. Moi, j'adore. Je vous l'avais dit. J'ai pas la télé. Le snob. On est dedans ou pas, là? Ils aiment pas. On avait dit qu'on tenait le timing, pas du tout, mais encore une question Mitel, allez. On en a plus. Il y avait encore une question Mitel, non? Bah, je crois pas. Bon, bah, c'est pas grave parce qu'il y a le quiz de Catch. Il y a le quiz Mitel en direct. Et du coup, on parle pas de Santos? Si, après. Ah, d'accord. On en parle pas. Ah, mais j'avais un super truc! Bon, mais non, on en parle en pas de Santos. Mais bien, tu me parles. Ouais, d'accord. Merci. On a peut-être le temps de mission. Est-ce que tu as ça? La Coupe d'Europe, du coup. La Coupe d'Europe, la vraie Coupe d'Europe. On s'en souvient. La Coupe d'Europe. On se souvient de Gamero qui avait mis 2 buts en Coupe d'Europe. Étoile rouge. Mais étoile rouge, comment oublier? Vous avez vu, c'est moi qui l'ai dit. Donc au Racing. Grâce à Bucco. Ouais. Non, pas les joueurs de ce match. Non, pire que ça. De toute façon, je mettrai une copie premier tour. Les femmes des joueurs de ce match. Merde. Tous les joueurs qui ont fait une passe décisive. Il est très facile, hein, j'aurais fait tous les joueurs au Racing qui ont fait une passe à Gamero ou alors qui ont marqué grâce sur une passe de Gamero. Sur une passe de Gamero. Ah, il est bien. Et ouais. Il est très très difficile parce qu'en fait il y a peu de joueurs. Je pensais qu'il y en avait plus. Combien il y en a? Une bonne vingtaine. En Coupe d'Europe, en championnat ou peut-être en Coupe d'Europe. D'accord. En championnat. D'accord, Gamero, vous voyez tout ce qu'il sait. Voilà. Alors je... Le KG9, hein, vous pouvez le voir au KG9, sinon. C'est quoi? C'est ses initiales, c'est mais. Kevin Gamero, voilà. Ah, c'est le centre de five. Ah, il fait du five. Du squat. Comme ça, du paddle. Comme Zanadin Zdan. Bien sûr. Ah, ok. Zidane fait du paddle? Ou son frère? Non, pour de vrai. Il tient un commerce de paddle. Ah, Aix, oui. Ouais, c'est ça. Oui. Deux ans. Bref. Tout ça, c'est pour reculer le moment. Le, où premier... Doit... c'est horrible. Le premier à 3 ou 4 bonnes réponses, c'est un sprint. Franchement, je pense que le premier à une réponse. Une réponse, vous trouverez. Monsieur Foot, t'es à ma gauche, tu dois commencer. C'est parti. Hey, arrange ton téléphone, toi, déjà. Les amis, non, non, j'ai juste noté deux noms. Ils sont pourris tous les deux, rassure-toi. Voilà. Les amis, Ricardo Fati. C'est effectivement pourri. C'est une... Luc. Bellegarde. Je crois que Bellegarde est dedans. Bellegarde est dedans. Il a fait une passe décisive avec Gamero. C'est vraiment très très bien. Guillaume Lacour. Guillaume Lacour. Ah, je crois que tu suis Monsieur Foot hein, dans la rangée. C'est effectivement, tu le suis, c'est une mauvaise réponse. Mais non. D'habitude, en général, il y a un tour qui est quand même bien fait. Liénard, ouais, sur un corner. Ouais, évidemment, Liénard, il a dû être dedans. Ouais. J'ai dit Lacour. Non, je voulais dire Liénard. Liénard, c'est une passe de Gamero. Ah, mais ça fait une bonne réponse. Hein. Ah ouais. Ça fait une bonne réponse. Moi, je vais me faire hacker. Ali Maklouti. Wow. Ali Maklouti, classe. C'est une mauvaise réponse. Ali Azouz, ouais. Mais il y a des joueurs bidons dans ce but, mais forcément... Ça alors là, on ne peut pas dire ça de Ali Maklouti. Non, Ali Maklouti, une légende, hein, qui est monté avec Papin à l'époque. Hein. Faut quand même s'en souvenir. On pense à toi, Jean-Pierre. Et Ali. Bakwa. Bakwa, il doit être dedans, Bakwa. Il n'y a pas dedans. Bah. Mais c'est scandaleux ce truc. Ils ont joué ensemble. Bakwa mon gars. Je crois qu'ils font une saison ensemble. C'est... La dernière de Gamero et la première de Bakwa. Donc au bout d'un tour. Ah, Gamero il était là du temps de Patoche. Oui. Bah oui. Ah, j'ai oublié. Il est parti son dernier. La première saison. Non, non, mais il est. Oui, mais... Non, il fait la dernière saison avec la première de Patoche. Il fait la première. Patoche en a fait qu'une. C'est-à-dire la première de Patoche. Oui, c'est vrai. Il a commencé la prépa de l'autre. Il a entamé la deuxième. Tant ressenti 5 saisons. Mais il en a fait qu'une. Au bout d'un tour, du coup, Luc et JP Darky, étonnamment hein, quand même. Hein. La famille Darky est en tête hein, quand même. Hein. Mais ça, c'est, vous dire, on pourrait les confondre hein, pour essayer de. Nous, c'est le foot. Ah oui, non, mais je vois ça. Là, mais t'avais pas gagné le dernier d'ailleurs. Le dernier quiz, tu l'as gagné. L'avant-dernier, mais c'est comme le mais dernier. Mais de haut but. Mais oui. C'était extraordinaire. Là, ça va être plus facile. C'est régalé le plus facile. Oui. Ah non, alors Monsieur Foot de foot. Voilà. Monsieur Foot. Monsieur Femme de foot. Habib Belaïd. Mais non. Je m'amuse. Toujours pas. Non, bah, c'est dommage. Il aurait mérité. Ah. Le Tiba. Toujours pas. Enfin, toujours pas. Hein. Mauvaise réponse. Hein. Pourtant, il a mis des buts, le Tiba. Rien. Moi j'en ai un extraordinaire. Non mais c'est pas votre tour. Vous allez voir. Gonçalves. Gonçalves, non toujours pas. Et pourquoi vous n'allez pas dans le passé? Ouais, mais c'est... Moi, j'ai ouais, bah, moi j'ai été à fond, ça n'a pas très bien marché. J'ai remarqué, pour mettre de l'arrière là, tu peux mettre un hypercute sur tout le monde. Et moi j'ai ce mec, je l'ai devant les yeux, c'est un jeune gars, il a marqué à Bâle. Gamero, ouais. Mais l'autre. C'est vrai que Gamero pourrait compter un penalty pourrait être. Et cette année-là, on a joué 3 fois contre Bâle. Non, 2 fois. Trois fois. On a perdu ce qu'il fallait pas. Putain, mais aide-moi, c'était un des mecs genre sud-américain, centre-américain. Rodrigo. Non. Romulo. Non, mais arrêtez de lui donner la réponse. Merde, je sais plus. Allez, je passe et ça va me revenir. Comment il s'appelle? Moi, je tente Yacine Abdesaki. Ça c'est pas mal. C'est une mauvaise réponse. Ouais, je sais pas si je fais. Moi je dirais Ludovic Ajor. Ludovic Ajor, très juste. Ah, alors Ajor. Ils ont joué ensemble. Ajor. Ça j'aurais jamais dit. A fait 2 passes décisives avec Gamero. Et Gamero lui en a fait une. Tu vois, mais tu vois, Ajor c'est l'élégance. Joueurs, hein, quand même. Ajor c'est l'élégance, c'est la place. Alors, au bout de 3 tours, une bonne réponse pour Luc. Une bonne réponse pour JP Darky. Et une bonne réponse. Et pour Alex? Non, Alex, non. Desaki, c'était pas bon. Desaki, moi j'aurais dit que c'était. Troisième tour. Habib Diallo. Toujours pas. Abou, Mosley, un truc. Eméga. Eméga, très bonne réponse. Eméga. Oh la vache. 2 passes de Gamero. Il est parti, Gigos. Gigos est parti pour éviter. Il faut 3 points. Attends. Eméga aussi, il a fait un double. David Italy. 1 passe pour Gamero. Tu dis, vas-y à toi. Bah, mais gars, excellent choix. Je pouvais le dire. Mais... Non, mais moi, je prendrais que des mecs de. Et tu dis quoi? Et du coup, je vais dire. C'est un joueur. De football. De football qui a joué au Racing. Alors, je vais dire la plus grosse passe décisive de Kevin Gamero, c'est quand même la Ryan Rosinger qui lui a fait pour sa sortie. Oh, voilà. Ça, je regarde si je le vois pas. Non, non, mais je vais dire Stéphane Bauken. Stéphane Bauken. Stéphane Bauken. Non, mais c'est pas possible. Bauken, ils ont joué dans... Alors moi, ils n'ont jamais joué ensemble. Ah bon, c'est vrai. Chance, ça peut pas être lui, c'est l'autre. Alors moi je pensais à l'autre, pas Abou Moslem Bidule, l'autre, mais comme je retrouve pas son nom, je tente. Abou Moslem, je crois qu'il a fait un attentat. Mais non, mais on a eu un. Arrêtez monsieur. On n'est pas sur CNews. Du coup je tente un truc complètement con à mon avis. Kenny Lala. Toujours pas, non. Ah. Ils ont pas joué ensemble. Ah, voilà, mais c'est ça. Bah, du coup, faut que je trouve l'autre. Bah, Abou Moslem Bidule et l'autre. Ni ailleurs, pour le mais au variété football club, ça pourrait. Moi, je suis sur. Johansen. Oh. Johansen, très juste. Ah putain, ouais. Le deuxième. Mec. Je voulais absolument. Genre, Luc. Attends, Frédéric ou Pascal. Mais but contre Marseille. Non, c'est pas. But contre Marseille de ouf. Nous avons Sébastien Lep. C'est pas avec un échange, avec un. Mais là, pour le coup, c'est le vrai souvenir. Le but de Pascal Johansen contre Marseille où les deux se baladent dans toute la défense, ils se font des passes, paf, Johansen finit à l'orée de la surface et balance un... Non, personne n'a souvenir de ce but. Ah, à l'orée du jour aussi. Hein ? Du jour. Ah, je sais pas, moi je vois... Bon, allez, allez, on est quand même sur le... Adrien Thomasson. Ah, oh purée. Est-ce qu'on peut avoir un rappel des scores pour savoir qui va gagner quand C'est Lucas à mon avis. Hein. Alors Luc, une bonne réponse. Non, deux bonnes réponses. Ah, oui. Hein ? Non, Lucas, il y a deux. Non, lui aussi deux. Ah ouais ? Lucas en a deux. Et les autres en ont un. C'est truc. Et les autres en ont un. Sauf zéro. Qui est zéro. Sauf Gigus et... Et monsieur... Diarra. Ah ouais ? Diarra, vas-y. Diarra, toujours pas. C'est pas de ma faute, hein. C'est de la faute à Paolo. C'est pas possible. Toujours pas. Luc. Je sais pas si je joue ensemble d'un nazi. Non. T'as rien dit, d'un coup ? Gigus. Ouais, Gigus t'a dit. Oh putain, faut que j'ai pas dire. Abusé. Non, je pourrais donner ma réponse à quelqu'un qui va gagner et qu'on finisse ce quiz. Mais je vais quand même dire qui aurait pu faire une passe. Après, faut suivre le foot un peu avant Blouko. Est-ce que quelqu'un a dit Rodrigo déjà? Rodrigo, non. Non, c'est bon. Mais je pense qu'ils ont bien fait. Oh merde, ça fait chier, c'est moi. Je retrouve pas le nom de ce mec. Il y a Abou Moslem Bidule et il y a l'autre. Ils se font des passes en Coupe d'Europe contre Bâle. On parle d'Osni, hein, c'est ça? Osni. Osni, oui. Osni. Il est pas dedans. Mais c'était bien ton Alex. Ouais. J'en ai plus, moi. Cédric Kanté. Ouais, Cédric Kanté, non, toujours pas. Luca. Bellegarde et Teddy. Bellegarde et Teddy, ouais. Alors, faisons les points quand même. Hein. Luc et Lucas, deux bonnes réponses. Bravo. On va entamer un troisième tour. Ouais. Il faut un victoire. On va faire un duel à la mort. Un duel de la mort. Ouais. Parce que nous, on est nuls. Tout à coup, c'est une petite truc à jouer. Duel de la mort. Avec une guitare. Luc, ouais. Lucas. Je rajouterai. J'avais dû croire Perrin. Perrin. Très, très bon. Lequel? Oh, purée. Non, réponds pas à cette question, c'est un piège. Mais tu parlais de Julien Perrin. Eh ben, c'était Lucas Perrin. Non, mais non, il parlait de Lucas Perrin. Perrin. Bonne réponse, Lucas Perrin. 3. Bravo. Allez, tu peux égaliser. C'est okay. Stressant, hein. Mais là, c'est tendu, hein. J'étais pas la musique. Tu dis Bertrand. Je l'avais, mais là, il va falloir 2 heures pour la retrouver. Oh, vu comme c'est parti, je pense que... Je la mettrai en fond sur le... Je vais dire Renteria. Ah oui, c'est osé. Oh là là. C'est osé parce que je... Non, il est pas dedans, Renteria. Je crois que Renteria n'a jamais fait de passe. Victoire de Luc, hein. Je suis persuadé. Vas-y. Celui qui a fait le plus de passes décisives pour Gamero, c'est un ancien talent. Hein. Vous étiez peut-être pas... Martin. Eh non, bah encore plus vieux. Karloff. Non, plus vieux. Oh, joli. James Tonchon. Eh non, James Tonchon est dedans, très juste. Hein. Ah, tu commences. Il n'y a qu'une seule. Eric Moulongui. Eric Moulongui. Oh, merde. Un ancien des Pierrot Vauban. Ah ouais. Sinon, avec deux passes décisives, on a qui? On a Coab. Vous vous souvenez Coab? Renaud. Renault, Sissoko, Thomasson, Thomasson a été dit. Oui. Tu l'as compté ou pas? Ah ouais. Oui, je te l'avais compté. Ouais. Pour faire un tour. Thomasson, Amara Diané. Amara Diané du PSG. Djikou, De Reims. Gasly, Romain. Yurik Le Pen. Quand il marquait, tout le stade gueulait Le Pen. Vous vous souvenez il y a ça aussi, et Senaya. Et Gamero a fait des passes pour Coad, Diané, Djikou, Le Pen, Mounou. Et le dernier, quand même, le plus beau, là, c'est cerise sur le gâteau. Hervé Toum. Hervé Toum. Rest in peace. Ouais. Sa plus belle frappe, c'est quand il sort en la 40e match. Comment oublier ? Putain, Hervé, on pense à toi. Mais ah, oui, pas souvent, mais quand on. Mais on a mis des buts, Hervé Toum, quand même, avec Jean-Pierre Papin. Alors, merci pour ce quiz. Mais, ouais, jeu, de rien. Belle participation. Ouais, ouais, bravo. Bravo à Lucas. Bravo. Et à Lucas, bravo. Je crois qu'on peut lui dire, il gagne une place. Alors, on va 880. Franchement, là, on va se dire qu'on est quasiment à 2h des. D'accord. 4 heures d'émission. Là, on est à. Oh putain, ouais, quand même, ouais. On est à pas mal. On est à pas mal. Mais on va quand même parler du futur. Ouais. Et de Santos aussi, un petit peu. Ouais. Et un tout petit peu pour le bonheur. Il y a deux matchs qui nous arrivent. Je sais que vous avez tous préparé les fiches. Il y a le HAC. Le club doyen. C'est comme ça qu'on dit, non ? Avec le match l'an dernier qui n'a jamais existé, si. La saison dernière qui n'a jamais existé. C'est un peu le Lousico. Je pense que là, moi, je suis Rosenior. Je motive les mecs à coups de vidéos du dernier match toute la semaine. Le penalty suffit. Hein. Voilà. Et donc, un petit prono. Et après, si vous voulez parler. Alors après, il y a le PFC qui vient. Et le PFC, c'est quoi ? Non, on va. On va au PFC. Ouais. Le PFC, c'est quoi ? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Gigus ? Moi, je pense que c'est un petit peu le derby des Rastignac. La classe. Alors, évidemment, la majorité d'entre vous, qui n'a même pas eu la moyenne au bac, vous n'avez aucune idée de quoi on parle. On vous méprise pas. Hein. Mais Rastignac, oui, non, c'est pas un Pokémon. Aussi, si. Si, c'est un Pokémon. C'est pas un Pokémon, c'est une référence. C'est là. C'est, voilà, culturel. Est-ce que vous voyez ce que c'est la culture ? Je vois, ça bouge pas trop dans le fond. Mais l'idée, c'est quoi ? Et c'est une idée de parvenu. Ouais, un petit peu. C'est une idée de nouveau riche. L'ambition à tout prix. C'est l'ambition à tout prix. C'est un peu... dans le temps, il y avait Nicolas Sarkozy, par exemple, auquel on pouvait penser. Ouais, mais Victor Hugo, tout ça. C'est ouais. Le provincial qui monte à Paris. C'est ça, mais oui. Exactement. C'est quoi ? C'est Marc Heller qui va à Monaco. D'autres exemples ? Alain Play qui va à Rodez. Alain Play. Non mais parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus le sens d'écouter l'émission en ce moment-là. Donc oui, on peut y aller. Sur l'appel. Ouais. Mais donc du coup, Le Havre. Déjà Le Havre, est-ce que on est en capacité de battre notre Némésis ? Ouais, c'est un match compliqué. Ça me paraît. Prendre les matchs les uns après les autres. Moi, je le sens bien hein, contre Le Havre. Après, on va voir si les gars jouent ou pas ce match. On a le gardien aussi, Penders, qui est revenu blessé de sélection, donc à voir s'il est aussi incertain pour ce match-là. Le mec a réussi à revenir blessé sans avoir joué, hein, quand même. Quatrième gardien. Faut se rendre compte de l'exploit, quand même. Mais c'est vrai que le Havre ne doit pas être très dangereux. Je pense qu'ils étaient. Déjà, ils ont plus Manga, parce qu'il est à Nantes. Il y a Thomas Delaine. Déjà, en plus, ils ont Thomas Delaine. Oui, et puis si jamais ça se passe mal, on fait comme on a toujours fait, on fait rentrer Bakoua à la 60e. C'est grave. Ah, à voir si Nottingham annule le prêt. Ah, ça fait pas 34 jours, ils peuvent pas. Donc c'est un match un peu facile pour nous, genre, on va dire. On se sent un petit peu... Il est gagné, le match est gagné. Tant c'est déjà. Maintenant, le nouveau Racing est bon contre les fans. C'est vrai. On l'a vu en fin de saison dernière. Ouais. Le nouveau Racing est bon contre les flèves, sauf en fin de saison. Quand il y a un enjeu. Et quand il n'y a pas Eméga. Quand il y a un enjeu, ouais. Et après le PFC. Bon, en fait, c'est un peu une question rhétorique parce que le PFC a recruté apparemment autant que nous, mais sans acheter de joueurs. C'est un peu un tour de magie. Quatrième budget, je crois, le PFC. Ouais, mais genre, on ne sait pas ce qu'ils font avec. Parce qu'ils n'ont pas de stade, ils n'ont pas de joueurs, ils ont rien. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec l'argent. Magie. Les Melou, Simons. Mais ils ont pris, oui, mais c'est pas des trucs qui coûtent. Non, Simons, ils ont des salaires d'argent quand même. Non. Après, le budget que tu présentes à la DNCG ne vaut toujours que le budget que tu présentes à la DNCG. Hein. C'est-à-dire que tu peux très bien lui dire que tu dépenses 10 000 et dépenser 1 million, genre, ils ne vérifieront qu'à la fin de saison. Voilà, donc vous n'avez pas l'air de parler sur le futur. Hein. Attends, l'Europe, là. Ouais, c'est du foot. Ouais, mais je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais. À Santos ? Une question Mitel Santos. Voilà, alors j'ai une question Mitel là. Est-ce qu'on peut poser la question sur Santos ? Oui, on va acheter Santos. Parce que Blouko, c'est nous. Non, mais Santos, il était déjà chez nous en prêt. Mais non, mais Santos, c'est quand même des Brésiliens. Mais ils jouent en quelle ligue? C'est pas des ligues régionales, t'as pas la ligue de... Si, il y a pas la ligue. En CFA2, en CFA2. Et alors, on discutait avec, avec quelqu'un d'assez... un grand homme de Radio Stoum. Et on en arrivait à la conclusion, c'est marqué là, mm-hmm. que l'idée, c'est en fait, tu vous me dites, c'est faux, hein. Tu as Santos, le mm-hmm. club, mm-hmm. et donc tu peux acheter 17 Brésiliens mm-hmm. de 16 ans, mm-hmm. ok. Tu les cases, t'en cases 10 au Racing. Alors c'est un peu compliqué sans Brésilien, mais comme tous les Brésiliens sont portugais par magie, tout d'un coup, ils sont Union Européenne et tout va bien. Sur ces 10, bon bah t'en as un qui sera bon, mm-hmm. un, et celui-là il va à Chelsea. Sur les autres, on a trois, tu peux encore faire jouer au Racing parce que tu peux espérer peut-être les vendre à Bratislava ou un truc comme ça. Et t'en as 14, tu t'en fous, ils disparaissent. Et ça, ça s'appelle du commerce triangulaire. Puis alors, pour peu que le mec. Attends, pour peu que le mec. Ça a un nom, ça a un nom. Pour peu que le mec s'appelle Santos et qu'il finisse au Racing, ça ouais. peut être Santos de Santos, qui fera comme exactement. Santos. Tu vois, ça peut... mais on est exactement sur ce schéma, entre Bordeaux. Machin non. du Sénégal. Oh, non, et voilà. Et ça, c'est. Je sais pas si c'est chouette, c'est comme ça. Voilà. Bah, en tout cas, c'est un rapport d'heure. C'est ça qui est important. Les gens sont où, Blouko, là, de leur idée de club au Portugal? Non, ils vont acheter, ils vont finalement lâcher l'affaire. Parce que finalement, ces joueurs pourraient aussi transiter par le club. Mais ce sera chez nous, finalement. Oui, ah oui. Moi j'ai une autre théorie, peut-être que c'était juste une réunion, ils ont dit entre propriétaires et Bali. Bon, on sait ce que ça a donné la dernière fois qu'il y avait une réunion entre propriétaires. C'était une réunion autour de Noël avec Keller qui était annoncée. Et juste une réunion selon Keller à l'époque, en juin la vente était annoncée. Donc pourquoi pas Neymar au Racing cet hiver en vue de la Coupe du Monde 2026. Ah oui, beaucoup d'informations. C'est quand Neymar joue à Santos, ouais. le cours achète Santos. Il nous prête Neymar pour 6 mois en vue de la Coupe du Monde 2026. C'est ah, fort. Ça serait incroyable. Et on gagne la Conference League. Avec Neymar. Avec Neymar. Qui se blesse. Soulève la Coupe. Qui se blesse en soulevant la Coupe. Alors, et du moins, pas de Coupe du Monde. Il y a déjà un joueur qui a la Ligue des Champions et la Conference League et la Ligue 1. Eh ben, merci qui. Merci Blouko. Moi, je pense que si on a une vidéo avec des coordonnées GPS et Neymar qui dit à la fin Yes, qu'est-ce que l'os, je pense que. Je pense qu'il faut faire un petit gage. Est-ce que vous avez compris cette histoire de coordonnées GPS là? C'est nul, je trouve. Non, j'ai pas regardé. Quelle est l'idée derrière ça, Giga? C'est vous qui êtes un vidéaste. Ah, c'est Roulian le spécialiste. Introverti. Merci. C'est la chouette d'or. Ah oui, c'est ça. Mais à la bourre, quoi. Et vous, Luc, vous qui êtes jeune. Oui, ouais. Vous qui êtes jeune, exactement. Donc vous regardez, vous regardez les trucs, Twitter, machin. Oula, toc toc. Vous qui aimez, il y a un mec et moi. C'était quoi cette. Voilà. Wesh, gros, qu'est-ce que c'était que les vidéos du club? Ouais, du radio, je suis pas géographe, donc les coordonnées, je sais pas où ça donne. Voilà, c'est lapidaire. On a compris qu'il était l'idée directrice, ça permet de dire qu'on est un. Bah, c'est des pays alsaciens. C'était dur, Ah, mais il y avait une. Putain, c'était une question Minitel ou sur Racing Stoum? Non, c'est une question Racing Stoum. Ah, Cresson Krottenauer. Non, comment il s'appelait? Un truc dans le genre là, ouais. Non, mais celle-là, il faut la poser, elle est très intéressante, je suis désolé. C'est Koumaras, mais il faut quand même avoir un peu de, d'empathie pour le mec, pour le mec de la com, hein, quand même, qui dans le temps faisait vite fait un petit montage pour le 70e retour de Gilbert. Là, il a dû quand même se taper, grosso modo, un montage par tous les 3-4 jours. Ouais, c'est pas fait chier non plus, hein. Ouais, mais quand même, Mec de dos avec une corde. Ils en ont fait une compil. Un peu de fumée. Puis, Alors, Krutenauer. Du site racingstum.com. Excellent site. A demandé le 4 septembre à 8h pile, je ne sais pas si c'est un signe. Avez-vous compris l'idée derrière les vidéos de présentation des joueurs célébrant l'Alsace, sans majuscule, et ses points cardinaux? Ah oui, c'est qui signe au Racing. Et l'Alsace, et attention, c'est là où ça tape. Là, c'est le in cauda venenum. Regardez vos pages roses dans vos petits Larousse illustrés. Et l'Alsace, moins elle est présente dans les décisions, plus on la voit. Ouais, mais ça dénonce. Ouais, mic drop. Ah. On peut conclure là-dessus. Est-ce que Samuel Smith a vu sa vidéo ou pas? Oh, mais j'ai écouté, monsieur. Est-ce que Chilwell a vu sa vidéo? Oui, est-ce que Chilwell a vu sa vidéo? Oui. Oui. Ah ouais? Ouais. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Get Close. Hein. Ouais. Ouais. Que ça, c'était plus c'est à plus. Je reste dans la galaxie Blouko. Get Close. Ouais, donc voilà. Non, mais c'est vrai, c'est pas mal. L'Alsace, moins elle est présente dans les décisions, plus on la voit dans la communication. On peut rester sur ces sages paroles de Krutenauer. Krutenauer. Bravo. Et qu'est-ce qu'on dit? Arnold Krutenauer, sur moi. Et bah voilà, donc qu'est-ce qu'on dit? Bah, il y a des questions. Et. Je. Allez, merci. S'il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing.